les gens qui sont venus dans les séminaires vont, vont avoir un grand besoin de se voir, d'établir des alliances. Parce que le travail qui va se faire sur les cadres d'ici un an et demi va être suffisant pour permettre à l'ego de se sentir uni à d'autres égos. Puis ils disent que la raison qu'ils ne veulent pas en parler trop vite, c'est parce qu'ils veulent pas parler d'avance de ce qui va se passer pour que des gens interprètent mal ce qui va se passer. Pas que des gens pensent ou s'imaginent que éventuellement ils vont former un groupe ou ils vont former une société ou ils vont former. C'est pas le même. C'est un petit peu au niveau d'une sorte d'alliance de relation très personnelle qui vient très lentement. Mm. Cette semaine, j'ai accepté d'aller souper chez. Comment ça s'appelle? Jeannette. Alors, je m'en vais souper chez Jeannette. J'en prends avec ma femme pour ça. Je vais aller souper chez Jeannette. Mais pour que j'aille souper chez Jeannette, il faut que j'aille chez Jeannette socialement. Je ne veux pas parler chez Jeannette. On y va comme des chats. Un ami de la famille. On va insister un petit peu comme ça plus tard. Il dit qu'éventuellement, vous allez. Les gens vont être des amis, mais ça sera. Vous allez tout vous parler, ça c'est normal. Mais ça sera pas. Vous allez avoir besoin des amis. Et des amis conscients. Puis il dit que là, ils ont commencé à travailler sur ce plan-là. Puis. Quand vous allez commencer à sentir cette amitié-là qui ne vient pas de l'ego, qui n'est pas au niveau de la personnalité, qui fait partie de votre intérieur à vous autres, ces amitiés-là vont durer pendant des années et elles ne pourront pas être rompues. Mais ils ne veulent pas que j'en parle plus que ça. Il y en a qui commencent à sentir un petit peu ce que je veux dire. Éventuellement, ils parleront de la raison pour ça. À quoi ça mène, ça? Plus on devient conscient, plus on devient seul. Quand on est conscient et on est créatif, à ce moment-là, on n'a pas tellement de problèmes de solitude parce qu'on connaît tellement de gens, on parle à tellement de gens. Puis c'est le contraire, on veut être seul. Mais quand on devient conscient et qu'on ne travaille pas au niveau créatif, puis qu'on vit notre conscience, puis qu'elle grandit, puis qu'elle grandit, éventuellement, on devient seul. Puis l'homme ne peut pas vivre seul. L'homme doit communiquer. Puis plus on devient conscient, plus on veut communiquer, mais moins on peut perdre d'énergie dans notre communication. Alors, plus on est obligé de communiquer avec des gens qui savent. Puis il dit que le plaisir de la conscience sur le plan matériel est là. Plus vous allez vous conscientiser au cours des années, plus votre plaisir va être dans la communication avec des gens qui savent. Le plaisir, les autres plaisirs qui sont d'ordre astral, des plaisirs qui sont encore rattachés à vos personnalités, à vos goûts, ces plaisirs-là vont s'effacer. Je vous donne un exemple graphique. Si aujourd'hui, si vous avez un grand plaisir d'aller, d'aller au forum, un jour, vous ne pourrez plus l'avoir, ce plaisir-là, parce que votre énergie sera trop changée. Alors, votre plaisir de vie sera d'être dans la compagnie de gens qui savent. Et votre plaisir sera manifesté dans la communication constante avec ces gens-là. C'est très fort. C'est très fort parce que ça fait partie de la conscience, puis c'est très fort parce qu'on a besoin, puis c'est très fort parce que on ne peut pas vivre sans cette communication constante avec des gens qui savent, parce qu'on ne peut plus perdre d'énergie. Puis quand les gens vont avoir dépassé le fardeau de la conscientisation, le fardeau de la conscientisation étant cette période de temps, cette période d'apprentissage où ils apprennent à se découvrir, quand les gens ont rétabli l'équilibre au niveau mental et vivent leur vie d'une façon très interne, très stable, sont bien dans leur peau, il dit qu'à ce moment-là, les gens ont besoin d'une ouverture constante vers l'extérieur. Ça, c'est les gens qui savent avec lesquels ils peuvent communiquer. C'est le seul plaisir du temps matériel qui nous reste après. Le reste, manger, aller en voyage, acheter un char, c'est, ça ne devient plus des plaisirs, ça devient des nécessités. Il viendra un moment où vous passerez du stage du plaisir au stage de nécessité, puis là où avant vous aviez le plaisir, dans l'avenir, ce sera une nécessité et ça ne sera plus un plaisir. Parce que ce qui se produit avec le temps, c'est que la conscience devient tellement grande, puis l'ego tellement à l'écoute, puis l'astral de l'homme tellement diminué, puis le mental tellement agrandi, qu'on ne vit plus la vie de la même façon, on la vit d'une autre façon, qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus interne, qui est beaucoup plus sûr, qui est beaucoup plus cela. Mais c'est la période de transition qui est difficile. Il y a beaucoup de gens présentement qui sont dans la période de transition, qui trouvent ça plus ou moins pénible. Il y en a qui s'ajustent pas mal vite. Mais il dit que d'ici un an et demi, les gens vont être pas mal entrer dans cette conscience-là. Et ils vont découvrir que le seul plaisir que l'on a vraiment, c'est de communiquer, soit communiquer à table ou communiquer quand on est ensemble. Parce que il vient un moment où on sait ce qu'on dit. Quand tu es rendu, tu sais ce que tu dis, quand tu es arrivé au point où tu sais ce que tu dis, puis tu comprends ce que tu dis, puis tu es sûr de ce que tu dis, puis tu n'as pas de doute dans ce que tu dis, puis que ça coule, puis que tu canalises les énergies, que tu canalises. À ce moment-là, tu es intéressé à entendre ce que tu dis de la même façon que les gens sont intéressés à entendre ce que tu as à dire. De sorte que le plaisir de parler devient pour toi la même chose que le plaisir pour les gens d'écouter. Alors, automatiquement, le cercle est fermé. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il se développe une sorte de plaisir dans l'esprit qui se vit. Puis les gens, il n'y a plus de perte d'énergie, puis les gens avec lesquels tu parles, ils sont totalement sur ta longueur, puis ils peuvent te nourrir comme toi tu peux les nourrir. Puis il dit que l'homme supramental vivra de cette communication. L'homme supramental vivra de ça. Le reste, ça fait partie des nécessités de la vie. Alors, l'homme supramental devient un être qui est réellement coupé en deux. Il y a une vie qui est totalement dans le mental, au niveau de l'esprit, qui s'active aussitôt qu'il est en communication avec les autres. Il y a une vie qui est au niveau de ses fonctions naturelles, des fonctions normales, qui sont simplement des nécessités temporaires. Puis, il va venir un moment où vous allez sentir ça, la réalité de ce que je vous dis. Puis à ce moment-là, vous allez comprendre que vous êtes arrivé à un stage dans votre vie où vous n'avez plus besoin psychologiquement de l'homme. Quand tu es rendu là à réaliser que tu n'as plus besoin de l'homme psychologiquement, que tu te suffis à toi-même psychologiquement, à ce moment-là, tu rentres dans un autre cycle de vie. Puis c'est là que tu t'individualises, que tu résous tous tes problèmes, que tu en arrives à vivre sans problème. Puis pendant cette période-là, tes corps s'ajustent. Jusqu'au moment où les choses doivent s'accélérer, où les vibrations doivent changer et où l'homme doit passer d'un plan à l'autre. Si je parle de la communication, c'est parce que je sais que dans votre expérience, très bientôt, vous aurez besoin de communiquer. Parce que dans la communication, il y a trois choses. Dans la communication, il y a toujours de la compréhension qui se fait de soi-même. Une fois qu'on est conscientisé. Quand on communique, on n'est pas conscientisé, il se passe rien. C'est de la jasette. Mais quand tu es conscientisé, ton esprit est en rapport vibratoire avec l'esprit d'une autre personne. Puis comme tu t'es désengagé un peu de ton ego, puis t'es plus pris dans ton petit orgueil intellectuel, là, à ce moment-là, ton esprit fonctionne, l'ego, l'esprit de l'autre personne fonctionne. Et en parlant, vous apprenez à dire ce que vous avez à comprendre. Puis c'est là que vous apprenez à vous découvrir vous-même, puis à découvrir jusqu'à quel point votre intelligence est grande, jusqu'à quel point votre intelligence est subtile, et jusqu'à quel point votre intelligence ne vous appartient pas. C'est quand vous commencez à réaliser que votre intelligence ne vous appartient pas au niveau de l'ego comme vous le pensiez avant. C'est à ce moment-là que vous commencez à vivre de l'intelligence. Puis ça n'arrête plus. C'est infini, vivre de l'intelligence. Puis plus vous vivez de l'intelligence, plus vous grandissez dans l'intelligence, puis plus les vibrations de vos corps changent. On ne comprend pas qu'est-ce que c'est nous autres, les hommes, l'intelligence. On s'imagine l'intelligence, c'est l'éducation, c'est pas l'éducation. L'éducation, c'est pas l'intelligence. L'éducation, c'est une forme d'intelligence qui est mécaniquement organisée par le cerveau pour donner à l'homme un point d'appui sur le plan matériel, pour comprendre les événements matériels. L'intelligence, c'est pas ça. L'intelligence, c'est la vie. L'intelligence, la vie en action, c'est l'intelligence. C'est la même chose. La vie en action, c'est l'intelligence. Puis quand on commence à être conscient, l'intelligence en soi grandit parce que la vie en nous grandit aussi. Et c'est au fur et à mesure que notre intelligence grandit, au fur et à mesure que la vie grandit, puis au fur et à mesure que la vie grandit, plus on a des chances de passer à un autre stage d'évolution au niveau de la vie, de sorte qu'éventuellement la vie passe d'un plan, qui est sur le plan matériel, à un autre plan qui est l'éther. Mais c'est tout lié à l'intelligence. Souvent, on parle de l'intelligence, on parle de l'amour, on parle de la volonté. Autant les hommes ne savent pas qu'est-ce que c'est de l'amour, autant ils ne savent pas qu'est-ce que c'est de la volonté, autant ils ne savent pas qu'est-ce que c'est de l'intelligence. On a l'impression de connaître tous qu'est-ce que c'est de l'intelligence parce qu'on est des êtres qui possèdent un intellect. Mais quand on rentre dans l'intelligence universelle à ce moment-là, puis que cette intelligence-là abrite notre esprit, vibre en relation avec notre esprit, ou fait vibrer notre esprit selon sa vibration à elle, c'est là qu'on s'aperçoit que l'intelligence, c'est pas ce qu'on pensait. Puis c'est là qu'on commence à développer une prise de conscience ou une conscience tellement grande que tout ce qui nous arrive dans la vie est compréhensible. Puis quand tout nous est compréhensible à ce moment-là, tout ce qui nous est répréhensible, tout ce qui va contre nous autres, on l'élimine. Et on l'élimine pour nous permettre d'absorber de plus en plus de l'énergie de l'intelligence qui est l'énergie de la vie. Parce que si on n'apprend pas à éliminer ce qui nous empêche d'absorber l'énergie de cette intelligence-là, éventuellement, on vieillit, puis éventuellement, on devient sénile, puis éventuellement, on meurt. C'est le processus normal que vit l'homme. Parce que la vie, c'est une force. C'est une force qui est puissante. Mais l'ego retarde la pénétration de cette force-là parce qu'elle est tellement grande, cette force-là, que l'ego a peur de cette force-là. Et les mouvements de cette force-là se font comprendre dans notre vie au niveau de l'intelligence. Puis l'intelligence supramentale, c'est le contact qu'on a avec nous-mêmes intérieurement. Puis plus on grandit dans cette intelligence-là, plus on s'aperçoit que notre intelligence est infinie. Pas l'intelligence de l'ego. L'intelligence. Puis quand on commence à découvrir que notre intelligence est infinie, on commence à s'apercevoir que l'homme est immortalisable. L'homme peut en arriver éventuellement à changer tellement ses vibrations, pas de par lui-même, mais par le processus de pénétration de cette intelligence, qu'il en arrive éventuellement à changer les vibrations de ses corps, puis éventuellement, automatiquement, c'est automatique, il change de plan. Mais il y a un problème chez l'homme, c'est l'ego. Puis l'homme ne connaît pas le mécanisme de l'ego parce que l'ego, c'est extrêmement dense. Puis la porte de sortie de l'ego, c'est toujours de rationaliser. L'ego rationalise, puis rationalise, puis rationalise. Puis en rationalisant, automatiquement, l'ego se coupe des forces de vie. C'est pour ça que l'homme meurt. Pourquoi l'homme meurt? Parce que l'ego se coupe des forces de vie. Ah, ça prend une période de transition, une période de changement pour que l'ego en arrive à devenir un petit peu plus subtil, un petit peu plus malléable, un petit peu plus apte à recevoir cette intelligence-là, qui va toujours contre l'ego. L'intelligence universelle, ça va toujours contre l'ego. Tout le temps. L'ego bloque, parce que l'ego n'est pas encore suffisamment imprégné de cette intelligence-là. Vous autres, vous commencez là, dans votre transformation. Moi, ça fait 11 ans que je suis dans ma transformation. Je suis encore en transformation. Mes corps se transmettent constamment. Puis, de temps en temps, j'en ai plein le cul de cette intelligence, de cette pénétration d'énergie. Fait que vous voyez jusqu'à quel point l'homme est sujet à retarder la pénétration des forces de vie. C'est pour ça que l'immortalisation du corps matériel, le développement du corps moronciel, c'est un processus qui est très long, parce que l'ego est très fort. Mais il est très fort parce qu'il est nécessaire. Un homme doit avoir un ego. Mais il doit avoir un ego qui se conscientise, qui se conscientise, qui se conscientise. Mais éventuellement, l'ego est fatigué de souffrir, l'ego est fatigué de subir constamment cette pénétration, surtout quand l'ego est dans la communication avec l'autre, c'est encore pire. Quand il ne te parle pas, il n'y a pas de problème, mais quand il te parle, tu veux tout engueuler que l'autre. Puis il y en a qui sont arrivés à ce stage-là de l'engueulade, la fameuse engueulade. C'est bon l'engueulade parce que ça permet à l'ego de développer une volonté, de faire descendre l'énergie et de détruire les formes qui lui empêchent de devenir réellement centré puis de descendre l'énergie de la volonté. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que l'ego, c'est tellement mystérieux que si l'homme n'était pas expliqué le mécanisme de son ego de l'extérieur, il ne pourrait jamais se sortir de l'ignorance de la vie, il ne pourrait jamais avoir accès à la vie de l'intelligence. Puis on ne le réalise pas. On ne le voit pas, on le sent, on le perçoit. Mais on ne réalise pas jusqu'à quel point notre ego empêche les forces de descendre en nous autres. C'est pour ça que dans tout le dialogue qu'ils ont avec nous autres, leur but est toujours de nous conscientiser à la réalité de leur vibration, à la réalité de l'intelligence universelle, à la réalité extrêmement concrète du phénomène de pénétration des forces dans nous autres, et la réalité que notre ego est toujours là pour bloquer, pour toutes sortes de bonnes raisons. Parce que l'ego a ses limites, l'homme a ses limites, ses corps ont des limites, tu peux en prendre. À un certain moment, tu n'as plein de casse. Vous allez réaliser au cours de votre expérience qu'il va venir des moments où vous allez en avoir plein de casse, vous allez en avoir plein de cul. Vous allez être écœuré. Mais vous allez toujours aller plus loin. Puis plus loin. Puis plus loin. Parce que les forces pénètrent tout le temps. Il vous donne un break, puis il pénètre. Puis il vous donne un break, puis il pénètre. C'est quand vous passez des périodes difficiles que le travail se fait. C'est toujours quand vous passez des périodes difficiles que le travail se fait. Puis mettez-les-vous dans la tête, une fois pour toutes, imprimez-vous-les dans le cerveau. C'est toujours quand vous passez par des périodes difficiles que le travail se fait. Ils ne peuvent pas pénétrer sans ça parce que leur pénétration, c'est ça. Les interférences qu'on vit sont directement liées à leur vibration. Mais on a un avantage, c'est de savoir que éventuellement on s'en va vers un état d'esprit en nous autres mêmes qui est totalement stable. Où on en arrive à voir et à comprendre la vie d'une façon parfaite et totale. Où on en arrive à pouvoir expliquer tout. Où on en arrive à comprendre tout. Puis ça continue. Ils m'ont dit avant-hier, dans un des écrits que je devrais faire, que nous autres, on pense que la vie, puis on pense que c'est ça, que la vie, c'est ce qu'on fait expérience, c'est pas ça. Ça, il dit, c'est l'existence, c'est pas la vie. Puis il dit qu'on a été tellement saturé par des formes spirituelles les maîtres qui parlent de la vie, tu sais, la vie, la grande vie avec un grand V. Puis il dit ça, ça va pas de la merde, pour la simple raison qu'on comprend pas ce que ça veut dire, ça. Puis les maîtres ne comprennent pas ce que ça veut dire, ça non plus, parce que les maîtres parlent de la vie spirituellement, puis on peut pas parler de la vie spirituellement. On peut simplement parler de la vie d'une façon absolument consciente. Mais il faut être dans la conscience pour savoir qu'est-ce que c'est la vie. Puis pouvoir voir la différence entre la vie et l'existence. Ce qu'on vit, ce que l'homme vit, c'est l'existence, ça vaut rien. C'est simplement de l'expérience pour l'âme. Mais il faut à un certain moment que l'ego ne vive plus sur le plan matériel pour l'expérience de l'âme. Il faut éventuellement que l'ego soit sur le plan matériel ou sur un autre plan pour créer. Puis la marge entre la période de vie sur le plan matériel où on existe pour le bénéfice de l'évolution de l'âme, pour certains hommes sur la Terre, il est fini. Il y a des hommes sur la Terre qui n'ont plus besoin de l'expérience de l'âme parce que déjà l'ego a suffisamment eu d'expérience au cours de l'évolution pour en arriver à être sur le plan de l'âme, à être en harmonie vibratoire avec l'âme. Alors, ces égos-là n'ont plus besoin d'expérience de l'âme. Alors, les hommes n'ont plus besoin d'expérience. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est bien subtil. Quand je parle des hommes, je parle de ceux qui s'en vont. Là. Les égos qui sont arrivés sur le plan de l'âme à cause de l'évolution n'ont plus besoin de l'expérience à fournir à l'âme. Les égos maintenant doivent devenir créateurs. Grossement. Parce que tant qu'un égo a besoin, tant qu'un égo est sur le plan matériel pour l'expérience de l'âme, l'égo est assujetti à des forces psychologiques. De tout ça, que j'appelle vous des forces. Mais quand l'ego est plus assujetti à des forces psychologiques que j'appelle des forces, l'ego devient une partie de l'homme qui reçoit de l'énergie créative et qui la transmet, qui travaille avec. Alors, selon l'ajustement de transformation des corps, mental, émotionnel, physique, ainsi de suite, cet ego-là, éventuellement, il en arrive à être créateur. Autrement dit, il en arrive à contrôler les forces qui sont dans l'éther et qui contribue à l'épanouissement sur d'autres plans, ou même sur le plan matériel, à ce qu'on appelle la destinée de l'homme. Mais il faut que l'ego, pour ça, en arrive à comprendre toute la vie, complètement la vie. L'ego peut vivre dans le sein de l'expérience. La raison que je vous dis ça, c'est parce que là, je vous parle réellement de mon point de vue parce que j'ai un petit peu plus d'expérience, si vous voulez, vous autres, dans toute cette expérience-là. Je l'ai souffert plus longtemps, si vous voulez. Mais la raison que je vous dis ça, c'est pour vous faire comprendre que tout ce qui se passe dans votre vie en tant qu'homme ou en tant que femme doit un jour ne plus faire partie de votre expérience. Puis pour que ça fasse plus partie de votre expérience, faut que vous en arriviez vous-même à votre connexion intérieure. Faut que vous en arriviez à pouvoir fonctionner en dehors des illusions de votre maudit ego. Après ça, vous allez être bien. Parce qu'après ça, aussitôt que vous faites un mouvement, vous comprenez. Vous faites un mouvement, vous comprenez. Vous faites un mouvement, vous comprenez. Vous faites un mouvement, vous comprenez. Au lieu de faire des mouvements, puis avoir la tuile qui tombe sur la tête, puis un autre mouvement, la tuile qui tombe sur la tête. Chaque mouvement que vous faites, vous le comprenez, parce que vous le faites vibratoirement, le mouvement, vous ne le faites plus avec votre intellect. Puis quand vous ne ferez plus de mouvement avec votre intellect, à ce moment-là, vous sortirez du domaine de l'expérience et vous commencerez à pénétrer dans les voies du surhomme. Les voies du surhomme sont des voies totalement insondables pour l'homme. Mais pour le surhomme, pour l'être qui rentre dans ces voies-là sont totalement claires. Parce que ces voies-là sont dictées par vibration. Elles ne sont plus dictées par l'intelligence philosophique de l'homme. Le temps que je vais être avec vous autres, je vais pouvoir vous amener à la résonance de la vibration. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Lentement. Pour que quand je vais cesser mes activités, les gens pourront savoir qu'est-ce que c'est vivre, pas exister. Si tu fonctionnes psychologiquement, tu existes, ça c'est vrai. Tu n'as pas de choix. Mais si tu fonctionnes vibratoirement, tu n'existes plus, tu vis. Tu commences à vivre. Puis à ce moment-là, il n'y a plus de fin. Parce que quand tu commences à vivre, là, tu passes des étapes, puis des étapes, puis des étapes, puis des étapes, puis des étapes, puis des étapes. Puis là, tu passes du plan matériel, tu passes du plan intellect, puis tu passes, puis tu montes, puis tu montes. Ça n'arrête plus. Tu perds jamais conscience. Puis tu fais ce que tu veux. Parce que ce que tu veux fait partie de ce que tu dois faire. Et non de ton corps de désir. Grosse différence. Puis c'est difficile de voir, pour l'ego, de voir la différence entre ce qu'il veut et ce qu'il peut. Mais quand vous serez dans la vibration, vous saurez que ce que vous voulez, c'est ce que vous pouvez. Ce que vous pouvez fait partie de votre vibration, de votre conscience. J'insiste pour faire la claire différence entre l'existence et la vie. Puis aussi la mise au point, pour la première fois au cours de l'évolution de l'homme, que l'homme, que l'ego ne doit plus vivre par expérience. Mais pour ne pas vivre par expérience, il faut avoir suffisamment souffert pour avoir suffisamment compris. Fait que la souffrance n'en créera pas. La souffrance interne est essentielle. C'est ça qui brûle les forces. C'est ça le choc vibratoire de l'énergie qui rentre dans vos corps. C'est ça qui vous sort de l'expérience de l'homme. C'est ça qui vous fait comprendre toutes les expériences des hommes. Mais il faut que tu sois en dehors de l'expérience pour comprendre l'expérience des hommes. Parce que pour qu'un homme vive au niveau de l'expérience, il est obligé de vivre dans l'ignorance. Quand un homme sort du niveau de l'expérience, il a son savoir. Parce que c'est subtil, l'expérience. L'expérience, c'est une façon à l'âme d'imposer à l'ego un tracé dans la vie. Tu maries une femme, tu ne l'aimes pas, t'as divorce, tu souffres. T'en maries une autre, tu ne l'aimes pas, t'as divorce. Tu rouves une business, ça ne marche pas, tu souffres. Ça, c'est l'âme qui impose à l'ego un tracé. Mais l'ego, lui, aide sur son petit intellect, fait qu'il calcule ses chiffres, il parle en business, mais il sait pas qu'il va avoir une dépression économique tout à l'heure, fait qu'il rentre dedans. Mais s'il parlait avec l'âme, l'âme dirait, pas bon, ça n'est pas ça. Fait que l'ego ne sera pas dans l'expérience. Il sera tout dans le savoir. Tout dans le savoir. Dans le savoir. Sa business, ça m'en fera tout le temps. Puis il dit que l'homme commence à comprendre ça. Puis il n'a pas le droit. Que l'ego, parce que ça va tout contre les conventions de ce qu'on appelle l'existence ou la vie. On est dit aujourd'hui qu'on doit en arriver à ne plus vivre de l'expérience. Et la condition pour en arriver à ne plus vivre de l'expérience, c'est la condition qui nous force, qui nous est imposée sur les vibratoirement. Dans notre rapport étroit avec l'âme. Si tu vis dans l'énergie de l'âme, tu n'as jamais d'expérience à passer parce que tu sais si tu comprends tout instantanément. Pas d'expérience. Si tu fais quelque chose puis ça te retombe sur la tête, c'est parce qu'il y avait une raison, là. Tu comprends. Jusqu'au moment où tu as tellement raffiné ta conscience que tu fais plus quelque chose puis ça te tombe sur la tête. Fait qu'éventuellement, il ne tombe plus rien sur la tête. Parce que ce qui se produit quand tu sors de l'expérience puis que tu rentres dans la vie, tu deviens extrêmement fin. Fin. Tu deviens très perspicace. Tu deviens très intelligent. Dans le sens universel. tu deviens très précis dans tes mouvements. Tu perds aucune énergie. C'est à ce moment-là que la vie commence à valoir la peine d'être vécue. Puis elle commence de valoir la peine d'être vécue. Parce qu'à ce moment-là, la vie n'a plus de fin. L'existence, à la fin, tu meurs. C'est pas la mort. Mais quand tu rentres dans la vie, tu ne meurs plus. Parce que tu n'as plus besoin de mourir. Parce que tu n'as plus d'expérience à vivre. Tu as beaucoup de choses à connaître, mais tu n'as plus d'expérience à subir. Mais la seule condition pour ça, c'est que l'homme marche main dans la main avec eux. Ça veut dire que l'ego doit s'ajuster à eux autres, s'ajuster. Pour que l'ego en arrive à perdre tout orgueil qu'il y a en lui. Tout orgueil qu'il y a. La moindre orgueil dans l'ego retarde ce mouvement-là. Retarde cette énergie. L'ego doit en arriver à perdre. Il y en a une qui est venue me voir, elle. Elle dit, l'autre fois, j'ai dit, vous avez pas entendu parler de moi. Elle dit, vous m'avez même pas regardé. Elle dit, même pas dit bonjour. Tant maudit. J'ai dit, je peux pas regarder tout le monde et dire bonjour à tout le monde. Ah oui, elle dit, j'étais là. J'ai dit, si vous avez vibré, c'est l'ego. Ils vont vous amener à ce que vous vibrez plus. Quand vous vibrez plus, ben, peut-être que moi pas aussi, moi vous dis bonjour. Subtil. L'ego. C'est quoi chose, l'ego? Ça, c'est quand on est dans cette vibration-là qu'on sait ce que c'est de même. Tu sais, je parle souvent d'orgueil qui décide ça. Il y a deux façons pour l'ego de se servir de son orgueil. Il s'en sert pour se sécuriser, pour sécuriser une fausse sécurité, qui est toute la paperasse, qui peut sauter n'importe quand. Ou il s'en sert pour se créer l'illusion qui est solide. Un ego, c'est jamais solide. Un ego, ça craque. Il s'agit qu'il change les vibrations de ta vie, puis ils te font craquer. Quand l'ego comprend ça, l'illusion de ce fameux orgueil qui est dans l'ego, qui fait partie de l'ego. L'ego est orgueil. Il est orgueil, l'ego. À tous les niveaux, spirituel, matériel, intellectuel, n'importe quoi. L'ego est orgueil. Un gars, c'est un gros muscle, il a des voix d'orgueil. L'ego est orgueil. Puis il dit que l'ego qui comprend ça, qui en arrive à comprendre ça, à ce moment-là, automatiquement, il s'ouvre une porte. Automatiquement, il n'y a même pas de l'avoir, elle s'ouvre automatiquement. C'est énergétique, elle s'ouvre la porte. Puis là, eux autres commencent à descendre, à descendre. Puis là, à remplir l'esprit de l'homme. C'est là qu'on devient. On tombe dans l'intelligence. On devient intelligent. Mais c'est plus l'intelligence de l'ego, l'orgueil de l'ego. Puis c'est là qu'on rentre dans la vie. Ça, c'est ça qui est infini. Puis c'est ça qui va amener l'homme à l'immortalité. Moi, je vous en parle parce que je sais qu'il y en a parmi vous autres qui s'en vont dans une direction. Je vous parle toujours pour demain. Mais vous verrez toujours que j'ai toujours raison. Je ne peux pas me tromper. J'ai raison. C'est dans 2 ans, 2 mois, 6 ans. Vous allez voir que c'est bien de même que ça marche. Puis quand vous allez réaliser ça, que on doit être capable, c'est subtil la fête de l'orgueil. L'ego, il veut jamais pas de face. Puis dans tous vos mécanismes à tous les jours, dans vos rencontres à tous les jours, vous allez voir qu'il y a toujours une petite vibration dans l'ego. Est-ce que vous devez commencer à être sensible aux vibrations? Petite vibration. L'ego réagit. Puis réagit. Il faut que l'ego en arrive à pas vous réagir. À faire sentir la vibration, mais pas réagir. Si quelqu'un vient à moi et me dit, t'es un plein de mal, faut que je sois capable de le regarder dans les yeux puis pas vibrer. Pas souffrir de ce que je dis. Pas sentir que j'étais un plein de mal. Pas avoir des. Peut-être même pas la fraction du doute que j'étais un plein de mal. C'est subtil. Et à ce moment-là, si t'es capable de le regarder dans les yeux et tu réagis pas, là, tu vas changer les vibrations. Puis éventuellement, cet homme-là deviendra ton ami parce que cet homme-là ne sentira pas en toi de l'agressivité de l'ego. Parce qu'un ego qui se fait dire qu'il est un plein de mal, il devient agressif automatiquement. Mais si le gars sent pas cette agression-là, automatiquement, il va perdre l'énergie. Parce que l'ego, faut que ça s'accrache tout le temps à quelque chose. Dans toutes nos rencontres, à tous les jours, dans les bureaux, dans le travail, dans toutes les situations, l'ego vibre. Il faut qu'on arrive, il dit, à ne pas pouvoir vibrer. Point. Vibrer. Pouvoir vibrer. Là, c'est là que la porte s'ouvre. Parce que le gars qui est devant toi, qui t'appelle plein de marde, ils l'ont mis sur ton chemin, puis ils ont créé une situation, puis comme de fait, t'es dans l'expérience. Puis on est dupe. Constamment, on est dupe, on est dupe, on est dupe, on est dupe. Qu'est-ce qui arrive? Il y a un ego qui comprend pas, mais il sent qu'un coup de poing sur la gueule. Alors, oui. Mais il n'a pas changé sa situation. Il est encore dans l'existence. Tout le temps, combat d'ego à ego. Combat, combat, combat, combat, combat, combat. L'ego combat tout le temps avec d'autres égos. Quand je parlais de la communauté en esprit, communauté en conscience de l'homme qui vient, c'est qu'il n'y a pas de combat d'ego à ego. Quand il n'y a plus de combat d'ego à ego, c'est ça part d'en haut, ça part d'un à l'autre. Ça, c'est la vie dans le mental. C'est bon, ça va bien, ouais, éventuellement, ça devient la télépathie dans le mental. Parce que moi, je sais qu'il n'y a pas de plus grand plaisir dans la vie que de parler avec un homme qui sait. Non. C'est le plus grand plaisir qu'on va avoir. Parce que parler, ça coûte pas cher. Tu parles, puis tu parles, puis tu parles. Ça, t'es fatigué, tu vas te coucher. Plus grand plaisir. Mais l'ego doit être conscient de la vibration en lui de l'orgueil. Parce que tous les égos en ont. Et même s'ils sont spirituels, ils en ont. Parce que c'est la structure de l'ego, c'est la base de l'ego, c'est le mode operandi de l'ego. Puis eux autres ne peuvent pas travailler là où il y a d'orgueil parce que l'ego est teint, il est coloré. Alors ils ne peuvent pas faire pénétrer l'énergie. C'est pour ça qu'ils combattent autant pour pénétrer en nous autres que nous autres, on combat quand on est conscient un peu d'eux autres dans la vie. Un combat. C'est pas facile pour eux autres de communiquer. Puis je vous dis ça parce que dans ma vie personnelle, il y a un couple qui est très près de moi. Un couple que je considère sur le plan de la conscience très conscient. Mais en cause de l'ego. Faut quasiment fusionner pour avoir des mots. Quand t'es fusionné, là, t'as pas le choix que tu te fais. Il te fusionne. Alors, tu peux pas en avoir des mots. Ça passe. Mais quand t'es pas fusionné et tu t'en vas vers la conscience, c'est pas facile. C'est plus facile pour moi de devenir conscient dans l'instantané que pour vous autres au cours des années parce que moi, j'ai pas de choix. J'avais pas de choix. Prends ta pilule, Charlie, pis c'est ça. Tandis que vous autres, vous avez votre libre arbitre, vous avez vos égos, vous avez vos personnalités. Puis c'est pas que vous avez plus de choix que moi, c'est que le choix est beaucoup moins rigide. L'action de la conscience est beaucoup moins précise. Alors, c'est long, c'est plus long. Avec votre égo, il y a du jeu. Puis il y a le temps pendant des années de vous mettre la corde au pied du cou. Jusqu'à temps qu'ils se désintègrent, qu'ils deviennent translucides, puis qu'ils deviennent un point d'appui pour les forces, pour que vous puissiez devenir des individus totalement conscients, centrés, créateurs, puis totalement bien dans votre peau, puis ainsi de suite, jusqu'à ad vitam aeternam. Mais s'il y a des aides qui ont passé, qui ont vécu une initiation avec moi personnellement, puis qui ont encore de l'ego, des beaux égos, puis qui ont encore des failles, qu'eux autres essayent encore toujours de travailler, de transformer. Imaginez-vous des gens qui se rencontrent. C'est long. C'est bon que ça soit long parce que c'est à long. Tout le monde craquerait. Tout le monde capoterait, tout le monde sera séant de Dieu parce qu'il n'y a personne qui pourra prendre l'énergie à moins d'être fusionné. Tu sois fusionné. Quand tu es fusionné, là, tu ne peux pas capoter, c'est eux autres qui contrôlent le show, mais tu n'as plus de libre arbitre non plus. Voilà. Mais c'est ton libre arbitre. Il y a trop d'énergie qui descend, automatiquement les gens capables. Puis c'est ça qui se produit dans le monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui craquent. Parce que l'énergie descend, elle descend pas qu'à Québec, l'énergie descend tout partout dans le monde. On a tous nos petits cerveaux, nos petits radios qui captent cette énergie-là. Puis regardez autour de vous, regardez les annales à Saint-Jean-de-Dieu, puis plus ça va, bien plus on est client. Plus ça va, plus il va en avoir des clients. Parce que ça fait partie de la fin d'un cycle. Puis c'est pour ça qu'il y a plus de gens qui vont venir des conférences, parce qu'il y a plus de gens qui commencent à sentir. J'ai parlé à une femme après-midi, elle dit, ça fait un an, elle, là, qu'elle commence à sentir les chambardements. Avant, elle avait jamais ça, le chambardement. Elle avait ses couches, elle allait au shopping center, tout marchait, comprends-tu? Là, là, il y a un travail qui se fend dedans, c'est là que ça commence. Là, elle rencontrait un gars qui était à sa longueur d'onde, qui la comprenait, parce qu'elle ne pouvait pas parler à sa belle-mère. Elle était contente. Éventuellement, il va y avoir de plus en plus de gens qui comprennent. Il y a de plus en plus de gens qui vont pouvoir bénéficier de ce que certaines personnes savent. Ça devient important que des gens sachent. Que des psychologues puissent savoir. Parce qu'il y a bien des gens qui ont besoin d'aide, bien plus que vous imaginez. Les années 80 et les années 90, ça va s'ouvrir, puis il y a des gens, il y a énormément de gens qui vont craquer. Pourquoi est-ce qu'ils vont craquer? Parce qu'il n'y aura personne qui leur aura expliqué comment ça marche quand ça arrive, ça va. Quand ça arrive pas, ça marche. Tu es pris dans des structures existentielles, philosophiques, psychologiques, ta carrière. Mais quand ça commence à pénétrer, cette affaire-là, ils te demandent pas permission, eux autres, quand ils ouvrent tes centres, Charlie. Tu ne demandes pas permission. Là, laissez le temps. C'est là que les gens vont avoir besoin des gens. Puis il y aurait eu des gens de préparer. Il y a un prof Université de Montréal qui disait hier à Marc Lapelle, il disait, ça devrait être écrit ce qu'il dit, pour qu'on puisse étudier ça. Il n'y a rien étudié là. Étudier quoi? C'est en dedans. S'il rouvre ses portes à lui, il va être du chemin à faire derrière, petit gars. C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne l'ego. Faut qu'on puisse vivre avec notre ego sans se culpabiliser, sans chercher le côté négatif de notre ego, sans s'en occuper du côté négatif de notre ego, mais de le voir. Mettez-vous pas la tête sur la table si vous êtes un maudit orgueilleux. Regardez-le, c'est l'orgueilleux. Le fait que vous le regardez, elle va diminuer. Si vous avez tendance à vous culpabiliser, regardez-le, elle va diminuer. Mais si vous ne le regardez pas, ça va grandir, ça va rester. C'est comme ça que ça marche, à faire l'ego. L'homme n'a pas d'effort à faire, il n'y a qu'à se regarder. Fait que si vous êtes croche, vous voyez que vous êtes croche, rationalisez pas que vous êtes croche parce que vous n'êtes pas croche. Si vous êtes croche, vous êtes croche. Regardez-les, admettez-vous-les, admettez-les à votre mari, admettez-les à votre blonde, admettez-les que vous êtes croche. Là, automatiquement, vous allez décrocher. Et avec le temps, mais là, les portes s'ouvrent, la compréhension rentre. Parce que pour que vous admettiez que vous êtes croche, il faut que vous mettiez de côté votre orgueil. C'est pas facile. Surtout si vous êtes intelligent, si vous avez des doctorats, si vous avez bien d'intellect, si vous êtes bien l'esprit fort. Tout ça, toutes les qualités positives, toute la force de l'ego. C'est dur à toi, c'est ça. Parce qu'il y a la force. Mais mélange à la force, il y a des brindilles. Puis je vous dis ça pour votre propre bien-être. Parce que la force réelle de l'ego est dans la conscience de l'ego et pas dans les illusions de l'ego. Moi, j'en ai de la force. Je suis dans la force. Mais mon ego est translucide. L'orgueil, j'en ai pas. J'en vis pas. J'en sens pas. Fait que je suis bien. Je suis dans la force. Mais c'est la vraie force. Puis cette force-là, ça se détruit pas. Mais le reste, ça se détruit. Il peut vous mettre la tête à Morgan. Viens, Morgan! Parce que le message que j'essaie de faire comprendre à l'homme d'aujourd'hui, c'est que on est dans un temps où c'est une fin de cycle et où il y a des forces vibratoires, vos radios, c'est KVL, vous ne les voyez pas, les ondes, ils rentrent pareil. Hein? Et c'est exactement la même chose qui se passe avec l'humanité. Il y a des ondes qui rentrent dans l'homme présentement et qui transforment le mental de l'homme, l'émotionnel de l'homme, et ces ondes-là sont très fortes, ces vibrations-là sont très fortes. Il faut que l'homme sache ce qui se passe, c'est pour ça que je parle. Pour que les gens sachent ce qui se passe, pour que ça se diffuse éventuellement ce qui se passe, pour que éventuellement les gens sachent ce qui se passe, pour que les gens n'aillent pas directement à la grande bâtisse, parce que tu imagines qu'ils sont capotés quand ils ne sont pas capotés pantoute. Mais il faut que les gens sachent ce qui se passe. C'est évident qu'un ego qui commence à recevoir ces vibrations-là, puis plus ça va, plus il va en avoir, puis qui ne sait pas comment c'est ce qui se passe, mais automatiquement, éventuellement, il n'y a plus point de référence. Il n'est plus capable de se guérir lui-même. Vous allez voir des années qui viennent que ça va être bien plus grave que ça. Ça commence. Parce que c'est... Tout est coordonné dans l'universel. Tout est coordonné. Quand c'est le temps qu'il se passe une chose, il y a toujours quelque chose qui se passe pour le balancer. Tout le temps. Quand des hommes craquent, quand des hommes commencent à craquer parce qu'il y a des vibrations qui rentrent dans la conscience planétaire, automatiquement, il y a des hommes qui viennent qui peuvent expliquer ce qui se passe. C'est dans le monde des esprits qui est mort. C'est celui qui est ici. Puis ça se produit dans tous les pays du monde entier. Surtout les pays industrialisés. Aux États-Unis, en Europe, et ça se manifeste comment? Par une désintégration de l'ordre social. Si les gens étaient conscients, il n'y aura aucune désintégration de l'ordre social. Il n'y aura aucune anarchie. Il n'y aura pas de terrorisme. Il n'y aura rien. Ça se fera dans l'individu, à travers. Mais les gens sont inconscients, fait que c'est qu'alors, ils pètent. Comprends-tu? Ils veulent faire sauter tout le monde. C'est même qu'ils vont changer le monde. C'est pas les hommes qui vont changer le monde. Le monde va changer quand l'homme intérieurement va changer. C'est pour ça que ça va si mal dans le monde aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de travail qui se fait au niveau des individus. Parle à un terroriste, m'en dit pourquoi est-ce qu'il fait ça. C'est des gens qui ont toutes des grandes sensibilités. Sands en Irlande, d'ailleurs, c'est un autre qui a une grande sensibilité. Mais il s'est fait pris, dans le jeu. Il s'est zigouné. Là, il va arriver de l'autre bord, puis il s'apercevoir qu'il a fait une erreur. Là, il veut revenir encore. T'es déjà en mousse. On est plus fort qu'on s'imagine. On a plus de force en nous autres qu'on s'imagine. On est plus résistant qu'on s'imagine. On est plus grand qu'on s'imagine. Mais il faut qu'on le sache. Puis comment est-ce qu'on peut le savoir? C'est en connaissant, comprenant une fois pour toutes les illusions des maudites formes qui nous emprisonnent depuis des siècles. Et là, notre sauvegarde. Puis l'ego, il veut pas. Il est confortable dans ses petites habitudes. Puis s'il reste confortable dans ses petites habitudes, il y a deux choix. Soit la grande bâtisse, ou la destruction de sa vie personnelle. Parce qu'éventuellement, il ne pourra pas le prendre s'il est trop sensible. Je peux pas être une voix dans le désert pendant trop longtemps. Éventuellement, il faut que ça sorte. Heureusement qu'il y a des visions pour apprécier le désert. Mais c'est énorme, les gens que je rencontre, qui viennent me voir et qui disent, ça fait des années que je sais ce que vous avez dit. Vous avez confirmé ce que je vous avais dit. Ce que je savais. Demain. J'ai rien dit de neuf. Mais quand tu es obligé d'attendre qu'un moineau comme moi arrive à des visions pour le dire, tu peux passer des mots 10 années troublés, par exemple. Faites attention à votre ego. Checkez votre ego. Puis où votre ego se prend au sérieux, puis il se prend pour d'autres choses. C'est là qu'il faut vous faire attention. Parce que c'est là que vous faites à vous-même du tort. Pas à moi, vous faites du tort. À vous-même. Vous faites du tort à votre entourage. Fait qu'il dit, descendez-les le drapeau de l'ego. Tout le temps. Ça ne veut pas dire devenir des faibles. Parce que les autres ne sont pas plus intéressés aux faibles qu'aux forts. Aux faux forts. Parce qu'il y a autant de souffrance pour les faibles qu'il y en a aux faux forts. C'est l'équilibre. C'est ça la conscience, c'est de l'équilibre total. Puis après ça, mais là, vous commencez à comprendre qu'est-ce que c'est de l'amour, de la vraie amour, pas de l'amour pour votre ego, pour sa carapace. Le vrai amour. Parce que l'amour, c'est donner. L'amour, c'est aimer. Quand vous aimez, vous êtes obligé de donner, vous n'avez pas de choix. L'amour, c'est pas recevoir. Le gars qui dit à sa femme, je t'aime bien mon toutou, il s'aime mon toutou parce qu'il veut coucher avec elle à soir, c'est pas pareil. Pas de l'amour, ça. Si elle dit j'ai pas le goût à soir, c'est correct. Rien là. Ça, c'est de l'amour. Ouais, oui, l'amour. C'est un culte, l'amour. C'est pas psychologique. Bon, c'est totalement un culte, l'amour. Puis autant on comprend pas l'amour, autant on comprend pas l'intelligence, autant on comprend pas la volonté. Mais on apprend. Mais il faut qu'on en arrive, il dit, à sortir de l'existence. Pour rentrer dans notre conscience, qui est la manifestation de la vie sur le plan matériel jusqu'à temps que ça change éventuellement plus tard. Lui, il a saisi des choses. C'est bien, il est bien comme il... C'est impétueux, ça. Là. Mais il s'est tassé, il sait. Pourquoi? Parce qu'il y a une sensibilité intérieure. Et la sensibilité intérieure a monté en surface et elle a touché les mots. De sorte que la vibration de l'orgueil, de la vanité, elle se tord. Fait que c'est ce qui se passe? Il absorbe l'énergie. Sans ça, ça va être un combat, mais lui, tout le temps. Ça absorbe. Puis ça se sent, en tout cas, moi, je suis capable de le sentir. Quand l'ego se tord, ça rentre. C'est bien plus difficile pour un homme qui a un ego fort et un ego orgueilleux de changer pour qu'un homme qui a un ego faible et un ego. Bien plus difficile. Je préfère un homme qui a un ego fort qu'un homme qui a un ego faible. Parce qu'il souffre plus. La souffrance crée des corps plus subtils, l'énergie plus subtile, la réception est plus grande. Fait que ces gens-là, quand ils comprennent, ils comprennent. Je parle tout le temps du même monde. Il y en a un qui m'accusait de faire tout parler du même monde. Je prends Bernard Lavelle, c'est un exemple. Quand tu comprends, je vous explique ça de mon point de vue parce que moi, je l'ai vécu, l'ego, pour tout le monde. Puis je sais comment que quand tu es dans l'ego, tu es dans l'ego. Quand tu es dans l'ego, tu es dans l'ego. Tu peux pas être dans l'ordre de l'ego quand tu es dedans. Tu peux pas y voir l'immense. Tu peux pas. Tu as beau y voir. Tu peux pas. C'est pour ça que je t'en maudis contre les lois d'évolution. Je t'en maudis contre la façon que l'homme a évolué. Je t'en maudis contre bien les affaires. Parce que l'homme n'a pas été donné une chance. L'homme n'a pas été donné de chance. Je sais que l'homme n'a pas été donné de chance. Pendant que d'autres, vous allez voir, ils vont vous dire. Mais il y a une raison pourquoi est-ce que l'homme n'a pas été donné de chance. Parce que si l'homme avait été donné une chance, l'homme ne sera pas devenu aujourd'hui ce qu'il sera donné. L'homme, quand je parle d'humanité, je parle des... Le petit monde qui va passer de l'autre bord. Sans parler des autres races qui vont venir après. L'humanité n'aura pas été assez, aussi grande. C'est tout l'homme qui a été l'intelligence. L'homme a été gardé dans l'ignorance jusqu'au bout. Jusqu'au moment où il a développé l'intellect. Sans ça, l'homme n'aura jamais développé l'intellect s'il n'avait pas développé l'intellect. S'il avait été contacté avant. On n'aurait jamais développé l'intellect. N'ayant pas développé l'intellect, on n'aurait pas pu être des êtres extrêmement spécialisés au niveau de l'intelligence du cosmique, comme on le sera demain. Parce qu'on n'aura pas eu de discernement. C'est à cause du fait que l'homme a passé par le stage inférieur du développement de l'intelligence, du mental inférieur, que demain l'homme aura le discernement qui est la plus grande des richesses. parlé à Miguel hier. Il a compris, Miguel. Je suis content qu'il y ait des extraterrestres en France. J'en ai dit des choses quand il est venu ici. Tu sais, parce que j'en savais pas mal sur son expérience. Puis bien plus que lui pouvait en savoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de connaissance. Il y en a plus cette affaire-là. C'était de même. Quand t'as un petit gars, un petit français, grand, on est avec des extraterrestres, c'est pas en ballon. Il est parti en ballon. Faut qu'on sache. On peut plus se permettre d'être niaiseux. C'est pour ça qu'éventuellement, faut qu'on sorte de l'expérience. Du bout à l'expérience humaine. Malheureusement, c'est pas fini. Heureusement, c'est fini pour un certain nombre sur la Terre. On doit comprendre parfaitement les lois du mal pour comprendre parfaitement les lois de la création. Sans ça, on ne connaîtra jamais les lois de la création. Ni sur le plan cosmique, ni sur le plan universel, ni sur le plan personnel. Il faut s'occuper d'abord. Faut qu'on s'occupe d'abord du plan personnel. On a une facilité extraordinaire sur le plan matériel de vivre des vies réellement d'aplomb. Mais on est aussi loin de vivre ces vies-là que l'autre gars, si on ne comprend pas. Quand tu commences à vivre avec une intelligence qui est absolue, qui fait partie de ton intelligence intérieure, soit tu acceptes l'absolu de ton intelligence intérieure pour pouvoir fonctionner d'une façon totalement en dehors de l'expérience, ou tu es obligé de vivre une existence diminuée, diminuée, où tu ne te sens jamais bien dans ta peau. C'est ça. En dehors de l'expérience. Et en comprenant, en voyant, tu identifies l'intervention de l'autre. C'est ça. Effectivement. C'est ça. Tu identifies tout le temps. Tu sais, tout le temps, tu vois le jeu. Faut que tu le voies, le jeu. Si tu ne vois pas le jeu, tu es dans l'expérience. Maudit différent. Maudit différent. Ah, c'est pas facile. Il faut que les gens le vivent. Moi, j'en parle. Pour vous autres, à l'heure. Il faut que vous viviez, vous autres. Ça se comprend pas par l'intellect, cette affaire-là. Quand je parle de la différence entre la vie et l'existence, moi... J'en parle d'une façon qui est extrêmement précise. J'en parle pas d'une façon euphorique ou d'une façon philosophique ou d'une façon spirituelle. Les gens qui parlent de la vie, les curés qui parlent de la vie, de la grande vie, la vie du Seigneur, dans le cul, la vie du Seigneur. Quand tu vis ta vie, tu deviens Seigneur. Puis on était barré à 40. Moi, j'ai eu des argumentations avec eux autres extraordinaires. Ouais. Mais ils ont toujours raison. Autrement dit, oui, l'homme a été mal servi, mais pour des raisons qui sont pour demain. Mais heureusement qu'on commence à toucher à notre assiette aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, qui est tant maudit qu'on touche à notre assiette. C'est dans notre personnel qu'on peut le réaliser. Ça. Moi, j'y touche à mon assiette, puis j'ai pas fini de toucher à mon assiette, parce que j'étais un maudit appétit. Tu y touches quand c'est le temps. C'est évident. Au moins, tu y touches. Quand tu commences à savoir, ben, tu commences à savoir. C'est là que ça rentre, c'est là que tu commences à l'avoir ton assiette. peut pas toujours vivre pour un petit pain, puis un petit pain, puis un petit pain. Il faut qu'on puisse vivre éventuellement ce qu'on veut vivre. Puis on est capable de vivre ce qu'on veut vivre. Il n'y a pas un homme qui ne peut pas vivre ce qu'il veut vivre. Mais il faut qu'il ait le matériel pour. Faut qu'il sache. Faut qu'il sache ce qu'il veut vivre. Faut qu'il ait la volonté de le faire. Puis l'intelligence. Discernement, puis là-haut. Toutes les trois principes ensemble, il faut qu'on fonctionne au niveau de ces principes-là. Sans ça, on fonctionne au niveau de l'ego. Automatiquement, on fonctionne au niveau des distances. Que ça soit long, la transmutation, ça c'est normal. Mais que ça sente quelque part, que les gens sentent quelque part que ça avance, que ça avance, que ça avance, puis qu'ils regardent un petit peu en arrière, puis qu'ils voient qu'il y a eu des changements réels. Pas des changements synthétiques, philosophiques, là, à ce moment-là. Puis ceux qui les ont vécus, puis qui connaissent ces changements-là, je les connais. Puis je suis content pour eux autres, parce que ils savent ce que je sais. Ce que je sais, ils savent. Ils peuvent me parler. Quand un homme peut me parler, à ce moment-là, je sais qu'il est correct. Mais si un homme ne peut pas me parler, c'est parce qu'il ne sait pas encore assez. Faut que les gens puisse savoir. On n'a aucune limite. L'homme en a aucune limite. Quand je dis qu'il n'y en a aucune limite, il n'y en a aucune limite. Aucune. On a eu des preuves dans le passé au niveau du Nazaréen qui n'avait pas de limite. On n'a pas de limite. Mais pour en arriver à le réaliser, il faut qu'on le sache. Parce que tant que tu ne sais pas, l'énergie ne descend pas. Je vous l'ai dit, la vie et l'intelligence, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est l'intelligence qui organise la vie. Donc, l'intelligence peut organiser n'importe quoi. Mais il faut que tu le saches. Il faut qu'il y ait une résonance entre tes corps et cette intelligence. Là, s'il n'y a pas de résonance, ben, tu es dans l'existence. Puis tu ne peux pas avancer. Tu t'en vas là au bord puis tu reviens. Puis tu s'en vas encore puis tu reviens. Puis tu te reconstruis d'autres corps. Puis tu vis d'autres personnalités. Puis tu vis d'autres expériences. Tu es tout dans la merde. C'est pour ça que l'homme, à un certain moment dans son évolution, puis d'ailleurs, c'est ça que j'ai commencé à générer dans le monde, c'est que les gens, au cours de leur évolution consciente, en arrivent à fracturer, mettre la hache dans le vieil ego, pour libérer une sorte de colère intérieure, une sorte de rébellion intérieure. Tu fais partie de la force qui n'est pas contrôlée encore. Parce que quand tu as contrôlé cette énergie-là, tu n'as plus besoin de te fâcher, tu n'as plus besoin de mais tu l'as vécu. Puis je doute qu'il y en ait parmi vous autres qui en arrivent à sentir tellement cette force-là, puis qui n'en arrivent pas à un moment donné à se fâcher intérieurement. Mais le processus est tellement... Le processus... Je ne veux pas dire que le processus est pénible. Parce qu'il y a des gens qui passent par différentes sortes d'expériences. Je ne peux pas parler de mon expérience. Je peux dire que le gars, il va passer comme ça tout à l'heure. Mais il y a un moment dans la vie suivant... Puis apparemment, chaque ego est constitué différemment au niveau de la lumière. Alors, il n'y a pas un ego qui réagit pareil à la lumière. Lui, il y a un ego qui est bien doux. Puis ça prend bien de la dynamite pour le faire sauter. Bien de la dynamite. Puis peut-être qu'il sautera même pas. Peut-être qu'il fringue ça. Il y en a d'autres qui ont d'autres égos. Lui, Michel, je ne sais pas son nom, en tout cas Michel. Lui, il peut sauter. Lui, il peut sauter. Il y en a qui peuvent sauter. Alors, chaque égo fait. Chaque égo réagit différemment. Les femmes peuvent sauter. Parce qu'une femme, ça saute autant qu'un homme, c'est l'esprit, c'est une nouvelle vibration d'esprit. Mais l'énergie, éventuellement, il faut qu'on en arrive à la contrôler, pour s'en servir. Il faut qu'on s'en serve, l'énergie. Tu ne peux pas trop sauter, tu vas faire fliquer tout le monde. Il y a des temps que tu sautes parce que tu n'es pas capable d'en prendre plus, ça échange tes vibrations. Ça, c'est la grande souffrance. On ne peut pas passer notre temps à sauter. Il n'a plein de cul de sauter. Et tes corps s'ajustent, puis là, t'as contrôle l'énergie. Quand t'as contrôle, par exemple, à bas où tu veux. Mais tu peux pas être dans l'expérience, à ce moment-là. dit que les hommes sont des êtres souhaitables. Je ne comprends pas trop ce qu'il veut dire. Il dit qu'on est des êtres souhaitables dans ce sens qu'on est des êtres qui avons tous un potentiel. Mais le potentiel qu'on a, c'est un potentiel qui est unique à notre planète. Qui est totalement caché de notre vue, tant que la vue n'est pas suffisamment grande. Puis il y a une relation étroite entre ce potentiel-là, qui est en nous autres, puis notre savoir de ce potentiel-là. Il faut qu'un homme sache qu'il a ce potentiel-là pour qu'il puisse le vivre. Si un homme ne sait pas qu'il a ce potentiel-là, il ne peut pas le vivre. On peut y dire, si un homme il dit qu'il a ce potentiel-là, puis qu'il ne le sait pas, il ne pourra pas le vivre. C'est pour ça d'ailleurs que de tous les hommes, il y en a un certain nombre qui vont pouvoir passer du matériel à l'intellect. Parce que les hommes ne vivront pas. Quels sont ceux parmi vous autres qui savent, qui sentent, parce que ça, c'est pas depuis que vous m'avez rencontré que ça se fait, ça, c'est quand on est jeune. Il y en a-tu qui savent depuis qu'ils sont jeunes, qui ont eu des petits flashs, que soit que la mort, c'est pas raisonnable, parce que souvent ça se manifeste comme ça, les gens. C'est pas normal, on devrait pas mourir, c'est stupide de mourir. Il y en a-tu qui ont vécu ça? Tu l'avais connu, ça? C'est ridicule. Tu sais, parce que ça se manifeste dans notre intelligence quand on est jeune. Je suppose que. Quand on est tout petit. C'est un non-sens. Bon, mais ça fait partie de cette vibration. Mais la limite entre ce savoir-là et l'activation de l'énergie en nous autres, elle est très étroite. Très étroite. C'est pour ça que. Le rapport qui existe entre nous autres, c'est simplement un rapport vibratoire, c'est même plus un rapport psychologique. C'est purement vibratoire. Parce que c'est seulement par vibration que je peux vous amener, vous autres, avec le temps, à sentir vos vibrations. Une fois que vous sentez vos vibrations, c'est plus psychologique. Puis regarde, ceux qui sont allés dans la conférence hier, là, quand les gens de Glenn me demandent, peux-tu nous parler du Tibet? De l'Atlantide, la vibration tombe demain. Il dit qu'on n'a rien à savoir du passé. Mais on a tout à savoir de nous autres. Tout à savoir de nous autres. Mais les voiles qui sont devant l'ego sont très subtiles, puis c'est pour ça que ça prend tant de temps. Aller décrocher. Aussitôt que tu en décroches un, il y a un changement vibratoire. T'en décroches un autre, il y a un changement vibratoire. T'en décroches un autre, il y a un changement vibratoire. On doit en arriver éventuellement à ne plus vivre au niveau expérientiel. Là, je vous le dis ça pour des raisons vibratoires. Mais je ne le comprends pas psychologiquement. Mais vibratoirement, je le comprends. Qu'est-ce que ça veut dire? La psychologie, ça fait partie de l'expérience. Effectivement. Non, parce que je jouerais le jeu de l'ego. Je ne peux pas jouer le jeu de l'ego. Les gens sortent puis s'en vont. Qu'est-ce que je dis? Comment il y en a, je t'en crosserais 10 dans la salle. Dis-moi que celui-là de toi. Très beau sideburst. Il faut qu'on s'habitue à savoir qu'on a toujours raison. Et ça, c'est bien délicat. Il faut qu'on s'habitue à savoir qu'on a toujours raison. Mais il faut qu'on réalise aussi qu'on n'a pas toujours parfaitement raison. Ok, laissez-moi recommencer sur ça. Faut qu'on s'habitue à savoir qu'on a toujours raison. Ça, ça veut dire qu'il faut qu'on s'habitue à vivre notre énergie. Mais il faut qu'on s'habitue à savoir qu'on n'a pas parfaitement de raison parce que notre énergie n'est pas parfaitement balancée. Ce qui arrive souvent, c'est que les gens ont l'impression d'avoir raison. Mais comme leurs énergies ne sont pas parfaitement balancées, ils n'ont pas parfaitement raison et automatiquement, ils n'ont pas raison. Parce qu'il y a encore de l'ego en dessous. Parce qu'il y a encore de l'ego. Sinon, c'est la balance. Sinon, c'est la balance. Je leur dis encore pour le tape, là. Il faut qu'on s'habitue à avoir raison, puis il faut qu'on s'habitue à savoir qu'on n'a pas parfaitement raison. Puis c'est dans le temps qu'on en arrive à avoir parfaitement raison, puis ça, c'est quand nos corps sont balancés. Puis à ce moment-là, automatiquement, on a toujours raison. Puis à ce moment-là, on ne peut jamais créer dans notre environnement de souffrance pour l'autre, pour les autres. Puis c'est ça que les gens des séminaires doivent comprendre. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils ont raison de ça. C'est ça des séminaires. Parce que dans les séminaires, je suis obligé de parler de certaines choses. Je dis, bon, ben, il faut mettre la hache, il faut se devenir centrique. Il y en a qui s'imaginent, c'est des frappades. C'est pas ça le point. Il faut qu'on s'habitue à avoir raison pour toujours vivre notre énergie, pour qu'on puisse vivre notre énergie en dehors des formes qui nous empêchent de vivre notre énergie. Ça, c'est le premier step. Puis ensuite, on revient. Puis il faut qu'on s'aperçoive qu'on n'a pas parfaitement raison parce que nos corps ne sont pas ajustés. Puis quand ça, on est arrivé à ça, ben à ce moment-là, on a toujours raison. Nos corps sont ajustés. Puis les relations entre nous et les autres égaux sont toujours harmonieuses. Quand on n'est pas parfaitement balancé, on n'a pas toujours parfaitement raison. On se rend compte c'est ça le discernement. Quand tes corps sont balancés, tu as le discernement. Tu es dans le discernement. Ça, c'est le réel discernement. Pardon? C'est un discernement qui est réel. C'est un discernement qui est réel. C'est pas de ça. Non. Non, parce que ça fait partie du savoir. Il n'y a pas d'ego dans le discernement. Le discernement, c'est voir précisément avec l'intelligence universelle à travers les yeux de l'ego. Tu vois que tu comprends en même temps. Tu vois que tu comprends en même temps. Tu vois toujours les deux bords. Tu vois ton bord. Tu es bord de ton genre. Pointe ton bord à toi. Parce que quand tu fais quelque chose, tu vas être ton bord, puis le bord de ta femme, puis le bord de ton mari, tous les deux bords en même temps. Parce que là, il est équilibré. Si tu avais un homme d'affaires, il faut que tu aies ton bord, puis son bord. Équilibre. Puis ça, c'est ça avec le discernement. Puis le discernement, c'est ce qui est le plus dur à atteindre de tout. Le plus dur de tout. Même des maîtres n'ont pas le discernement. Le discernement, c'est la plus haute des facultés de l'intelligence. Le discernement, c'est la clé qui lie la volonté, l'amour et l'intelligence. C'est la seule, il n'y en a pas d'autre. La sagesse ne lie pas l'amour, l'intelligence, la volonté. Mais le discernement lie l'amour, l'intelligence et la volonté. C'est les trois ensemble. La sagesse, ça serait plutôt à rattacher au niveau psychologique. À rattacher au niveau spirituel, psychologique. Ouais. Ouais. Le discernement, c'est une autre paire de manches. Ça n'appartient pas à l'homme, le discernement. La sagesse appartient à l'homme, mais pas le discernement. Le discernement, c'est le rapport vibratoire entre l'ego et la lumière. Tout le temps. Fait que si l'ego est suffisamment sensible à la lumière, il fera pas ça. Il dira pas ça. Il fera ça. Ou il dira ça. C'est plus lui qui runne. C'est plutôt lui qui runne quand tu as du discernement. C'est toujours. C'est toujours le résultat de leur intervention à travers ta personne. C'est pour ça que dans l'avenir, au cours de la race, la science sera une grande science. Pourquoi? Parce qu'il y aura du discernement. Ce seront eux autres qui donneront à l'homme la vibration pour que l'homme crée telle chose. Il n'y a plus d'ego. Le discernement n'appartient pas à l'homme. comme l'intelligence n'appartient pas là. C'est pour ça que l'ego doit être translucide pour que ça parte, cette affaire-là. Tu sais, j'ai dit dans une conférence un soir, dans un séminaire, ou je ne sais pas quelque part, j'ai dit, la vie, c'est pas de nos affaires. Je le sais, moi, ce que je veux dire. La vie, c'est pas de nos crises d'affaires. C'est une illusion de l'ego. C'est une illusion de l'ego que la vie, c'est de nos affaires. La vie, on doit la comprendre pour la vivre. La vie, on doit la vivre pour la comprendre. Merci. C'est subtil, hein? Tu vois comment c'est subtil? On doit la vivre pour la comprendre. Parce que quand tu comprends quelque chose, tu n'as pas besoin de le vivre. Tu comprends? D'abord, c'est sur un autre plan. Mais il faut que tu la vives pour la comprendre. Mais il faut que tu vives la vie, pas l'existence. C'est pour ça que la vie, c'est pas de nos affaires. Ils m'ont dit ça une fois, moi. C'est pas de tes affaires, c'est ta vie. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, vis-la, dans les affaires. Mais quand ta vie, vibratoirement, tu la comprends. C'est automatique, t'as pas de choix. Y a-tu de comprendre ça? Ouais. C'est en dehors de l'ego. Tu ne te sens plus impliqué au niveau de l'ego. C'est juste. Il dit on a été mal éduqué pendant des siècles. Mal éduqué pendant des siècles. Puis d'ailleurs, dans ce temps-là, les écoles initiatiques, c'était fermé. Ça fait que c'est pas à masse qu'il y avait accès. Aujourd'hui, on a la télévision. Puis... Aujourd'hui, c'est une mauvaise nouvelle. Tout le monde le sait tout de suite. Avant, les gars étaient obligés de voyager, prendre les bateaux pour aller voir au Pérou ce qui se passe. C'était pas un cadeau. À cause, tu sais. D'ailleurs, ça fait toute partie des raisons là, pourquoi aujourd'hui c'est possible, puis les enfants-là, c'était pas possible. Il faut qu'ils envoient des initiés là-bas, puis des initiés là, puis des initiés là, puis des initiés là. Ça marche pas de même. Puis quand il dit que la vie, c'est pas de nos affaires, ils disent quelque chose d'extrêmement précis. C'est à ce moment-là que quand on commence à réaliser que la vie, c'est pas de nos affaires, qu'on commence à réaliser qu'est-ce que c'est la vie. Là, elle va à peine être vécue en maudit. Là. Quand c'est plus tes affaires, la vie, ça va à peine être vécu. Mais tant que c'est tes affaires, ça vaut pas la merde, dis, parce que ta vie expérientiellement, ta vie psychologiquement, puis tu y donnes des valeurs. Qui sont toutes fausses parce qu'elles sont toutes liées à l'ego. Tout le temps, t'es poigné dans les bras de l'autre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça. Tu fais des choix. Pas de choix à faire, en vie. Quand tu mets ton bateau, ça revient. Tu t'en vas jusqu'à la tamène, mais revient. Tu fais un choix, tu finis ça à l'air. Puis ils disent qu'ils nous disent ça, que la vie, c'est pas de nos affaires, puis ils nous parlent comme ça parce que ils disent qu'il va venir à un point où on va savoir ça. On va savoir ça. Vibratoirement, on va le savoir, puis c'est là qu'on va commencer à être bien. C'est là que la vie devient facile. Quand j'écris mes textes, je suis obligé de checker, là. Enlever ce mot-là, parce que ce mot-là, les gens vont le prendre psychologiquement ou spirituellement. C'est un maudit job pour moi d'écrire. J'écris, là, ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Là, je suis obligé de lire les textes, là, puis la vibration n'est pas correcte. Il faut changer ce mot-là. Parce que c'est pas ça que je veux dire. Mais je suis obligé d'envoyer un mot. Je sais que les gens vont le prendre pour d'autres choses. Comme le denturologiste, une fois, là, il m'appelle à date, il dit, tu l'as dit, tu parlais de la fraternité de l'âme. La fraternité, j'ai dû m'échapper quelque part. J'ai dit, c'est pas cette fraternité-là que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Je parle de la quatrième fraternité, puis j'ai dit, je t'en parlerai plus tard. Mais c'est pas ça que je veux dire. Puis c'est jamais ça que je veux dire. Puis c'est pour ça que c'est si fatigant pour moi d'expliquer, puis d'expliquer, pas de parler, mais d'expliquer, parce que c'est jamais ça que je veux dire. Je suis prisonnier des mots. Pour expliquer parfaitement, pour dire parfaitement ce que vous allez dire, il faudrait que je le communique par télépathie. Je peux pas le faire avec des mots. Fait que je suis obligé de faire des constructions de phrases qui sont toutes croches, qui ne passeraient pas à l'Université de Montréal pour que passe la vibration. Parce que c'est avec la vibration, mais m'intéresse. Pas les mots. Parce que tu le comprends vibratoirement. Je le comprends vibratoirement. Il l'a expliqué en mots. C'est deux. C'est ça. C'est deux choses. C'est deux paramètres. C'est pas pareil. C'est comme s'il fallait comprendre, pas de gris. Les gens comprennent avec leur gris. C'est ça. Il y en a un qui me donnait un papier à Gisèle l'autre fois, là, qui m'a expliqué les lois de l'intelligence, puis c'était parfaitement ça. Je le lis sur mon bureau à la maison. Les lois de l'intelligence. Moi, il est ramené dans ma poche la prochaine fois, les lois. For whoever wrote this, il avait entièrement raison. C'est ça, les lois de l'intelligence. Comme là, hier, je parlais. Je disais, comment ça fait que je parle d'une affaire, puis ensuite je parle d'une autre affaire, puis ensuite je parle d'une autre affaire. Mais il dit ça, c'est toujours pour brouiller les cartes. Tu m'as dit, quand je parle d'une affaire, je parle des lois d'intelligence, puis ensuite je vais tomber dans d'autres choses. Je ne suis jamais une ligne directe, jamais. Parce que automatiquement, l'intellect rentre dedans. Quand je parle d'une autre affaire, c'est toi qui les gens viennent de comprendre, tu dis, j'ai rien compris de ce qu'il dit. Je comprends, ils ne comprennent rien. Je parle d'une track, je m'en vais d'un autre track, je monte d'un autre track. Puis moi, je m'en aperçois pas. De temps en temps, je le réalise. Mais pas tout le temps. Parce que je suis tellement habitué. Tu sais, tu me disais, Michel, une fois, tu disais, depuis que je suis petit, je rêve de faire ce que tu fais. Mais moi, je te dis qu'un jour, tu feras ce que je fais. Un jour, tu feras ce que je fais. Je le sais. Parce qu'on rêve pas premier. C'est quand tu vas faire ce que je fais, tu vas le faire parfaitement, ce que je fais. Mais il y a une chose. Une des grandes qualités que les hommes qui savent ont besoin, c'est la patience. Autant de leur part que de ceux qui les écoutent. Parce que dans la patience, l'ego se désengage de son intérêt. Il faut que les égaux puissent être suffisamment désengagés de leur intérêt personnel pour me permettre à moi de parler de la façon que je veux, puis d'aller ces tracts que je veux. Parce que c'est moi qui la dirige, l'énergie, jusqu'à temps que les égaux puissent entrer dans leur propre énergie pour qu'eux autres puissent fonctionner ici de la même façon, parce que quand tu fonctionnes dans cette conscience-là, c'est tout de la même façon. Fait que le rapport vibratoire qui existe entre moi et vous autres quand on se parle pendant des heures de temps, nécessite de votre part une sorte de patience. Il dit pour le temps présent, vous devez me laisser parler. Toujours me laisser parler. Plus vous me laissez parler, plus vous me permettez de changer de vibration. Mais il faut que vous me laissiez parler. C'est subtil, ça. Parce que si vous ne me laissez pas parler, vous engendrez en vous autres de l'énergie astrale. Vous créez un bois, un bloc. Parce que rien que par la vibration, le parler, le langage précis, le langage juste, le langage supramental change les vibrations, change. Qu'on parle de n'importe quoi, qu'on parle des allumettes ou des bateaux, ou n'importe quoi, ça ne change rien. C'est dans la vibration. Puis il dit que si les gens avaient cette grande patience dans l'esprit, j'aurais pas besoin de parler aussi vite. Fait que la raison pourquoi est-ce que je parle vite, c'est parce que même s'il y en a un dans la salle, je suis obligé d'accélérer le langage. Sans ça, je pourrais parler bien lentement. C'est ça une autre vibration. toujours embrouiller l'ego, embrouiller l'ego, embrouiller l'ego, embrouiller l'ego pour embrouiller l'ego. L'ego part avec rien. Il ne reste plus rien. Ça ne fait plus de rien. Puis t'as maudit parce que ça ne fait plus de rien. Là, nous autres, on se connaît depuis assez longtemps, fait que c'est relativement facile pour moi de parler avec vous autres, d'arrêter 5 minutes, 4 minutes, recommencer, à aller sur mes tracks. Mais dans les séminaires, c'est pas un cadeau, parce que vous n'êtes pas des cadeaux dans les séminaires. Il y en a qui ont des séminaires avec des guns. Il s'agit d'un qui n'est un avec un gun. Je suis conscient de lui tout le temps, jusqu'à temps que j'enlève son gun dimanche soir. C'est là. Après des rencontres, depuis longtemps même, c'est facile, c'est relativement facile. C'est le fun. Mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'énergie. On ne réalise pas pantoute qu'est-ce que c'est l'énergie. Parce qu'on ne la voit pas. Si on la voyait, on la réaliserait. On ne la voit pas. Donc c'est difficile, parce que l'ego doit s'habituer puis s'ajuster à la vibration, au lieu de voir dans l'invisible, la voir l'énergie de la vibration. Qu'on n'a pas de temps à perdre. La situation est encore pénible, c'est dans les couples. Entre les chums, puis les blondes, puis les maris, puis les femmes. Parce que les gens n'ont pas compris encore qu'ils se servent des personnalités pour jouer. Les gens se font prendre dans le jeu des personnalités. Il faut que les couples en arrivent à pouvoir être unis dans leur esprit et non unis dans leur personnalité. Il faut que les personnalités puissent complètement se développer chez un et chez l'autre. Pour que les individus se réalisent dans leur esprit et non au niveau de leur personnalité. Ça, c'est le plus difficile. Les gens qui sont seuls, qui ne sont pas mariés, mais ils n'ont rien qu'eux autres à s'occuper. Mais les gens qui sont accouplés, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'ils vont se servir constamment de la personnalité de l'un pour la transformation de l'autre. Il faut que les gens le comprennent, le saisissent et le réalisent, ça. Pour que leur ego puisse temporiser avec l'autre, l'ego, constamment, pour qu'il développe cette ouverture d'esprit qui est nécessaire pour la transmutation de leurs énergies ensemble, qui éventuellement les unira au niveau du supramental, au lieu d'être unis au niveau psychologique. C'est encore plus difficile pour ceux qui sont, pour ceux qui ont une certaine compréhension, puis les maris ou les femmes qui sont en dehors, c'est encore plus pénible. Mais ça aussi, ça fait partie de tout le travail. C'est pour ça qu'il dit que c'est bien important que les égaux ne se prennent pas sérieusement dans ce qu'ils pensent avoir raison, dans ce qu'ils pensent être. Parce que dans 2 ans, dans 1 an, dans 5 ans, tout sera changé. Ils vont changer les vibrations de tout le monde après dans 2 mois et demi. Là. Tout le monde va passer par des changements vibratoires. Ça, c'est du partout, au Québec, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Mais les gens ne savent pas. Dans 2 mois et demi, les gens vont passer par des changements vibratoires. Quand les gens passent par des changements vibratoires, c'est des interférences. Ça va mal. Ça tout mal. Puis d'un coup, ben, les nerfs s'aiguisent. Puis les nerfs s'aiguisent. Puis c'est quand les nerfs s'aiguisent que les gens doivent réaliser qu'ils doivent prendre ça aisé. Sans ça, on tombe dans le jeu. Puis on souffre pour rien, puis on démolit pour rien. Moi, j'étais après à planter des clous chez nous, là, ça a la malle, là, j'étais après à péter les doigts quasiment. J'ai dit, wow, c'était assez, un cul de marteau, je suis descendu en bas, j'étais allé fumer une cigarette. J'ai dit, c'est ça, fumer une cigarette. J'ai arrêté. C'est bon, fait des grilles, faire ça. C'est fini. Plus tard, je retourne au marteau, là, ça marche bien. Quand ça marche pas bien, le marteau, je le laisse tomber. Quand il y en a, ils veulent faire le marteau, puis ils veulent le finir la job, ils se pètent les doigts. faut qu'on sache quand arrêter. Ça a fait, on vit dans l'expérience au lieu de vivre dans la vie. Il faut que l'ego soit bien ajusté vibratoirement pour savoir quand il faut qu'il arrête la job. Parce que les autres ont toujours tendance à descendre leur volonté sur notre ego. Pour élever les vibrations de l'ego, pour changer l'ego en esprit. Donc automatiquement, quelque expérience que vous avez, pour vous autres, elle apparaît comme importante, mais dans le fond, elle ne l'est pas. Mais vous y donnez l'importance, puis c'est là que vous avez des chocs, après. C'est là que vous pétez un doigt avec le marteau. Si les gens savaient qu'en arrêter, ça n'arrivera pas, ces affaires-là. Mais les gens vont toujours au bout, pour au bout, parce qu'ils astralisent. C'est le corps de désir. Tu veux finir la job avant 2 heures, ou tu veux finir la job avant 5 minutes. Pis c'est là qu'on fait nos erreurs. Il dit, faut qu'on sache arrêter, il faut qu'on la sente, la vibration, quand c'est assez. Quand ça commence à aller mal, c'est un signe. Faut que l'ego apprenne à vivre. Il y a 3 façons que l'ego peut vivre. L'ego peut vivre en communication permanente avec eux autres, ou l'ego peut vivre au niveau de sa sensibilité, son intuition, ou l'ego peut vivre au niveau vibratoire. Ça, c'est les 3 façons conscientes ou semi-conscientes. Puis il y a l'autre façon où l'ego vit totalement d'un cataclysme, au niveau de sa pensée personnelle, tout ça. Puis les 3 façons, les 3 autres façons sont bonnes, puis ils changent, puis ils changent. Vous ne pouvez pas leur demander, vous ne pouvez pas communiquer avec eux autres s'ils ne veulent pas communiquer. Ça dépend de votre plan de vie, ça dépend de votre énergie, ça dépend. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec eux autres. Comme moi, j'aime pas la conférence à soir, j'aime pas la rencontre à soir. Pas à cause de vous autres, mais parce que il n'y a pas assez d'énergie. Je sens pas assez d'énergie. Il faut que j'attende 1 demi-heure. Alors moi, quand je vais pas assez, là, bon, à ce moment-là, c'est comme si... tu ne fonctionnes pas à ton maximum. Ça me fatigue, ça me tombe. Mais je peux pas faire autrement. Fait que la vie, on la vit pas comme on veut. On la vit comme elle doit être vécue. Et quand je suis même, mais vous autres, ça vous sert parce que. Tandis que quand je bouillonne, mais là, ça l'enlève, cette énergie-là. Ça dépend toujours des autres, des autres. Mais c'est toujours toi qui est le cobaye, puis le cobaye, puis le cobaye. Puis éventuellement, il faut que tu développes une résistance à être cobaye. On peut pas toujours être cobaye. Mais on l'est tout le temps, cobaye. Mais on l'est pas dans le sens que les gens le pensent. Mais on l'est si on fonctionne au niveau de l'ego. Puis si on ne fonctionne pas au niveau de l'ego, ben on l'est plus cobaye. Tu fais la vibration, puis c'est ça. Si tu donnes cette vibration-là, c'est celle-là qu'ils veulent te donner. Puis s'ils t'en donnent un autre, ils t'en donnent un autre. Un cadeau, travailler avec eux autres. Parce que ce qui se produit quand tu es sur le 220, tu veux toujours rester sur le 220. Là, sur le 110, c'est pas le même feeling. C'est pas la même vibration. C'est plat. T'accroches dans le plat parce que le plat est important. Parce que quand la vie est plate et que vous êtes conscient, c'est qu'il vous repose. Ça leur permet de vous reposer. Reposer vos organes. Reposer votre esprit. Mais l'ego, il n'aime pas ça. Il veut travailler, puis il veut fonctionner, puis il veut fonctionner. C'est ça que les gens se brûlent de 40 ans, 45 ans. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas capables d'absorber le plat de la vie. Dans le fond, ce n'est pas un plat, c'est qu'une suspension d'énergie créative. Mais l'ego, lui, veut tout fonctionner, fait qu'il trouve ça plat. C'est bien dur à l'ego de s'habituer au plat. L'ego, dans ce temps-là, il se demande qu'est-ce qui se passe. Je suis déprimé, quelque chose qui va pas. Je suis pas dans mon assiette. C'est pas qu'il est pas dans son assiette, c'est que la vibration est suspendue. Fait qu'automatiquement, t'es pas dans ton assiette. Il y a rien qui se passe. C'est la formule qui vient souvent, ça, il se passe à rien. Ça fait 2 mois, il se passe à rien. L'homme conscientisé, l'homme supramental ne sera pas heureux sur la Terre. Tu peux pas être conscient d'un corps matériel sur lequel tu n'as pas de pouvoir. Tu peux pas être conscient si ton esprit ne peut pas sortir de son enveloppe. Parce que l'âme, elle souffre tout le temps. L'âme souffre tout le temps tant qu'elle n'est pas libre de sortir du corps matériel à volonté. Elle souffre. Fait que qui c'est qui prend les... Qui c'est qui prend le coup? C'est l'ego. L'âme souffre tout le temps. Tant que l'âme sera pas libre de sortir du corps matériel à volonté, elle va souffrir. C'est pour ça que lorsque l'homme sera immortalisé, à ce moment-là, l'âme ne souffre plus. C'est pour ça qu'on dit que l'homme vivra le paradis sur terre. Parce que l'âme ne souffrira plus. Mais tant qu'il est dans le corps matériel, l'âme, que les corps moronciels n'est pas développé, que l'âme ne peut pas sortir la volonté du corps physique, elle va souffrir. Fait qu'automatiquement, ce qui se produit, c'est que plus tu deviens conscient, moins tu peux être heureux, mais plus tu peux être bien dans ta peau. Parce que c'est un signe de conscience de ne pas pouvoir être heureux. Parce que être heureux, c'est une qualité de l'ego au niveau du corps astral. Les gens veulent être heureux. Ils viennent d'un séminaire, ils veulent. Il y en a qui viennent d'un séminaire, ils veulent être initiés, être heureux. Tu peux pas être heureux si tu deviens conscient. Puis tu vois toutes les limitations de la vie sur Terre, sur le plan matériel. Si tu vois toutes les illusions qui entourent la vie de l'homme, c'est impossible d'être heureux. Pourquoi? Parce que l'âme n'est jamais heureuse tant qu'elle n'est pas libre de sortir du corps matériel. Si vous n'êtes pas heureux, c'est normal. Mais vous pouvez être bien dans votre peau. Ça, c'est la compensation que l'homme a. Être bien dans sa peau. Quand tu es bien dans ta peau, ça équivaut à être heureux quand tu es inconscient. Oui, Michel, t'es-tu heureux? Ah, moi non? Pas heureux parce que. Mais t'es pas malheureux? Non. Ça, quand je dis que tu peux pas être heureux, tu peux pas être malheureux. Vas-y, non. Je suis conscient qu'il y a quelque chose qui se passe. Qu'il y a une ouverture qui se fait. Mais c'est la patience. Tu sais, on veut toujours aller plus vite que c'est. C'est ça qui crée une désharmonie, c'est-à-dire qui crée une souffrance intérieure. Quand on se met au moment présent, on s'assied, on dit que je suis pas si malheureux que ça. On n'est pas heureux, mais on n'est pas si malheureux. C'est ça, on n'est pas heureux, mais on n'est pas malheureux. Wow. On délimite les choses, on les délimite, c'est-à-dire on les tranche. Il y a des choses qu'on s'axe, on va moins s'axer, c'est-à-dire que. Les choses qui deviennent moins importantes, on les retranche. Là, on peut s'ajuster là-dessus, c'est-à-dire on peut voir ce qui nous rend malheureux, ce qui nous rend pas, ce qui nous rend heureux. C'est-à-dire c'est une illusion encore. Mais c'est une illusion qui tombe. Parce que, à force de regarder ces choses-là, sur cet aspect-là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose dans la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut s'axer pour le bonheur. C'est de s'axer sur l'intérieur de soi-même. Qui donne le phénomène d'être bien dans ta peau. Ouais. Ah, c'est ça, tellement. La raison pourquoi est-ce que je vous dis ça, qu'on ne peut pas être heureux, ceux qui comprennent, ils comprennent. Et ceux qui ne le savent pas encore, c'est que tu ne peux pas être heureux quand tu réalises, puis quand tu comprends, puis quand tu vois, puis quand tu vis dans des conditions qui ne sont pas égales à ton pouvoir intérieur de création. C'est quand t'as faim pis t'appelles aux forces pis ils te mettent quelque chose à la table. Ça marche. Alors, il y a une relation constante entre ton pouvoir intérieur et la matière. Ah, t'es dans la créativité, t'es dans la créativité. L'énergie est tellement grande que t'es dans la joie de vivre constante, constante, constante, constante, constante. Ça, c'est le bénéfice de la conscience cosmique pour l'homme. Mais tant que l'homme n'est pas arrivé à pouvoir commander aux forces élémentales, tant que l'homme n'est pas capable de créer, tant que l'homme n'est pas capable de faire passer la matière d'un plan à un autre à volonté, tant que l'homme n'est pas capable d'agir sur un plan matériel en tant qu'agent libre, tant que l'homme n'est pas rendu à un point de totale indépendance de l'existence matérielle, il ne peut pas être heureux. Tu vois trop. Être heureux, c'est bon pour un homme, ça, qui est inconscient, puis qui va se taper sa petite blonde de soir, puis qui va voir sa télévision la semaine prochaine, puis qui va s'acheter son char. Là, il peut être heureux. Mais il va être heureux, puis ensuite, il va avoir d'autres déboires. Mais quand tu rentres dans la conscience, tu ne peux plus être là-dedans. Parce que d'avoir le matériel, tu ne t'intéresses plus. Il est nécessaire pour balancer tes corps. Mais tu ne peux plus fonder. Tu es tout intérieur. Tu ne peux plus être extérieur. Être heureux, c'est être extérieur. Quand tu es intérieur, tu ne peux pas être heureux. Tu deviens conscient. Tu deviens extrêmement bien dans ta peau. Puis c'est rien que ça que tu as besoin. Être bien dans ta peau. Puis ça devient... Plus tes corps s'agissent, mais plus t'es bien dans ta peau. Puis eux autres, quand tu descendront ici, à ce moment-là, tu passes au bord. Puis il est important, le côté, le facteur d'être heureux puis de pas être heureux. Il est bien important. Parce que c'est une maudite illusion. Ça, c'est la même illusion que l'affaire d'être en amour avec votre femme, votre mari. Un jour, vous ne pourrez plus être en amour avec votre femme, votre mari. C'est impossible quand tu es conscient d'être en amour avec ta femme, ton mari, parce qu'être en amour avec quelqu'un, c'est de posséder un petit peu. Mais la liberté, c'est quoi la liberté? C'est la conscience. La liberté, c'est la conscience. La conscience, c'est libre. Pardon? La liberté, c'est la conscience. Il n'y a pas d'autre définition que je peux vous donner que la liberté, c'est la conscience. Si je vous dis qu'un jour, tu ne pourras pas être en amour avec ton mari, ta femme ne pourra pas être en amour avec toi, je vous dis pas ça pour vous décomposer, pour vous créer des tristesses à tout casser. Je vous dis ça parce qu'un jour, vos vibrations ayant changé, automatiquement, ça sera naturel. Mais vous allez être encore plus unis avec votre femme puis avec votre mari que vous l'êtes aujourd'hui. Oui, parce que tu développes une compréhension. Ouais. Ouais. Ouais. Toi et ta femme, là. On peut parler. C'est ça. Parler, mais ça se passe pas au même niveau qu'avant, parce que... C'est pas au même niveau qu'avant. Ça change constamment. Puis éventuellement, c'est tout dans l'esprit. Ça devient un point que ta relation avec ta femme, c'est pas si elle fait bien l'amour ou non. Si ta relation avec ta femme, c'est titre. Tu peux parler avec des heures et des heures et des heures et des heures avec ta femme. C'est tout de suite que ça se passe. Tu fais l'amour, mais tant mieux. Mais il n'est plus là le point d'intérêt. Il n'est plus là le point. C'est de suite. Je sais que j'ai raison. Oui. Je vous le dis d'avance. Pour vous empêcher de vous énerver si vous commencez à perdre un petit peu de votre en amour, là, puis toutes vos patentes. Je vous comprends, mais je vous le dis, inquiétez-vous pas, c'est normal. Tu peux pas être conscient d'être en amour avec une femme, c'est impossible. On n'est plus en amour de la même manière, mais c'est plus intéressant, par exemple. Ça change, ça change. C'est plus... Ça change. C'est d'autres choses. Oui. T'aimes ta femme, mais c'est plus... T'aimes ta femme, mais c'est plus toi qui aimes ta femme. C'est quelque chose en toi qui fait que t'es lié à ta femme dans l'amour. Il n'y a pas de combat. C'est tout nouveau de la personnalité. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de conflit de personnalité. C'est un, la patente. C'est totalement... Ta femme, elle pourra rentrer en toi et ça fera un l'affaire parce que vous êtes dans le même esprit, c'est ça. Même longueur d'onde. Jamais l'astinage. Oui, toujours du parlage, du parlage, du parlage, du parlage. Puis tu peux parler, ça, sacrément, ça arrive plus. Tu parles comme t'as jamais parlé avant. Avant, vous discutiez. Vous discutez plus, rendu à ce niveau-là, tu pars. On a plus besoin. Vous autres, vous avez un beau mariage. Tout bien. Ça sera fine, ça sera fine, ça sera fine, ça sera fine. C'est plus de l'imposition sur l'autre. Non. T'imposes plus. Non. Parle. Mm-hmm. C'est de la communication constante. C'est vivant, la patate. La relation est vivante, est réelle. Puis si ça se détruit pas, cette affaire-là. Sais-tu quand est-ce que j'ai hâte? Quoi? C'est quand mes deux enfants vont être assez grands que je vais parler avec eux. Ah, parler. Ouais. Il faut qu'ils développent les corps. Une fois que tu l'as, puis ta femme, elle l'a, puis eux vont l'avoir, c'est normal. Mais ça, avec les enfants, ça se fait en même temps qu'avec les autres? Ça se fait avec les enfants, selon les parents. Moi, ma fille est rendue comme maman. Elle est poustouf. Elle est au bout. J'ai rendu, je t'ai plus rien à dire. Ça a 8 ans, bon, on dirait que ça en a 12. Je comprends pas quand son chère dit j'ai hâte que ce soit grave que je parle avec. Je n'ai pas d'âge, je parle avec les enfants. C'est pas ça qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il a hâte d'arriver à un temps où il pourra communiquer avec ses enfants sur le même pied d'égalité. Qu'ils peuvent percevoir ce qu'il veut dire. Puis qu'ils peuvent être suffisamment conscientisés à leur propre valeur pour dire des choses qui sont créatives, qui viennent d'eux-mêmes intérieurement. J'en ai une de mes gens qui me sort des choses qui m'écartent, je me dis, comment ta crèche s'enveloppe pour faire ça? Oui, mais ça dépend toujours. Ouais, mais ça dépend toujours. Il n'y a pas d'âge, évidemment. Mais il y a toujours une différenciation entre la qualité de langage et la qualité de la profondeur qui vient d'un enfant. Oui, mais aperçoit des choses, c'est vrai. Ça d'accord, vient, d'accord. Mais je donne un exemple pour expliquer son quoi. Lui. Moi, j'ai une petite fille à 8 ans. Elle est au bout. Elle est à 8 ans ce qu'elle devrait être. OK? Bon. Mais j'ai hâte qu'elle ait 20 ans. Parce que ce que je vais parler avec elle, mais qu'elle ait 20 ans, mais ça va être une autre vibration, ça va être une autre énergie. J'ai du plaisir à parler avec elle aujourd'hui. Elle ne peut pas parler avec moi comme elle va parler, mais qu'elle ait 20 ans, puis 15 ans, puis 17 ans, puis 18 ans, puis. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Parce qu'elle va avoir évolué, elle va avoir transmuté, changé. Puis comme les formes s'éliminent devant elle au fur et à mesure qu'elle avance. Pour moi, ça va être un grand plaisir pour moi. Aujourd'hui, j'ai un plaisir, mais tout à l'heure, ça va être un plus grand plaisir parce que la vibration est encore plus haut. Non, pas de forme, les enfants. Regarde, Bernard, pour répondre à la madame. Il y en a, ils n'ont moins que nous autres, mais il y en a. J'ai un petit gars de 6 ans, une petite fille de 8 ans, puis il sort des choses, c'est fantastique, venant d'une petite tête comme ça, là. Ils vont sortir, mais c'est à leur façon. À leur façon. Parce que plus tard, ça va être la même façon que toi. Le faux de commentaire se développe. Quelque chose, Bernard? Bernard, dis-tu quelque chose? J'ai encore mon coup, tu m'as. Ouais. Bernard? Oui. Dans une conférence, je pense à une question que tu avais dit. Protéger ton intimité, je parle de toi. Ça m'a piqué cette fois-là parce que moi, je désire pas avoir l'intimité de façon à être mieux possible. De façon à être quoi? Être mieux possible avec mon intimité. Quand je dis à une personne, je t'en parlerai, pas t'en parler en public pour protéger ton intimité, parce qu'il y a des choses, il y a des choses. Moi, j'ai pas d'ego. Quand je te parle à toi, quand je parle à toi de ton intimité, je te parle à toi. Puis moi, ce que je te dis, ça sort. J'ai pas de mémoire. Mais les gens doivent. Je dois respecter l'intimité des gens. Je comprends ce que tu dis, parce que l'intimité que j'ai, elle est créée par les autres. Donc, t'en veux pas d'intimité, mais tous les gens ont d'intimité. Moi, j'en ai de l'intimité. Moi, il y a des choses que je suis pas intéressé que le monde sache. Ça fait partie de ma vie personnelle, puis c'est pas des affaires de personne. Je comprends ton point. Je comprends ton point dans le sens que tu veux extérioriser ton être intérieur le plus possible pour établir une résonance parfaite entre ce que tu sens et en ce que tu conçois devenir. Mais ça, c'est ton affaire personnelle, c'est pas l'affaire de tout le monde. Je vais donner un exemple plus graphique. Il y a des gens dans les groupes là, qui sont homosexuels. Moi, je le sais qu'ils sont homosexuels. Souvent, je vais leur parler, je vais leur expliquer des choses, puis je les amène à totalement sortir de l'illusion de toutes les formes rattachées à ça. Mais c'est pas l'affaire du monde de savoir ça. Si les gens sont objectifs, c'est une autre paire de manches. Si les gens sont pas objectifs, pour être objectif, faut avoir un ego totalement translucide. À ce moment-là, t'as plus de mémoire. Fait qu'à ce moment-là, ce qui rentre dans toi et ce qui sort de toi, ça n'a plus d'effet sur toi-même. Mais les gens ont droit à leur intimité, puis t'as droit à ton intimité. Faut que tu la respectes, cette intimité-là. De temps en temps, je vais me servir d'un personnage pour expliquer des choses pour tout le monde. De temps en temps, on va dire, bon, mais toi, t'as une tête de cochon. Mais les gens savent que j'attaque pas le personnage. J'essaie d'expliquer un mécanisme pour faire comprendre à d'autres personnes quelque chose, pour créer dans la personne une vibration pour qu'ils reconnaissent quelque chose. Mais ça, c'est pas affecter son intimité. C'est expliquer d'une façon parfaite le caractère à l'intérieur de la mécanique de l'esprit et de l'ego. Les gens ont leur intimité, faut que je le respecte. Faut que je le respecte. Je comprends ton point. Le fait de désirer ne pas l'avoir, de comprendre l'intimité que j'ai, elle est créée par les autres, plus que, il faut que je les respecte. Ouais, mais n'oublie pas une chose, Michel, ça s'appelle Michel Aimé? Non, Aimé. Aimé Michel? Michel. L'affaire, Aimé, c'est que ton ego, la nature de ton ego, c'est une nature qui est fondée sur l'insécurité de l'énergie. Autrement dit, le rapport entre l'âme, ton âme est forte, elle descend dans l'ego, elle fait vibrer l'ego, que c'est qui ressort de ça à cause des forces, c'est l'insécurité. Mon travail est facile parce que je suis fusionné, il n'est pas facile. Parce que j'en sais trop. Ouais, les petits exports. GG. C'est un pouvoir. Puis un jour, vous allez réaliser que c'est un pouvoir. Puis il y en a qui commencent à réaliser que c'est un pouvoir, la parole. Mais c'est un pouvoir. Mais le pouvoir de la parole, il faut que ça soit ajusté, puis c'est ça qui est plus long. Parce qu'on a de l'émotion, puis on a de l'ego, puis on a des réflexions. C'est un pouvoir, la parole, il n'y a pas de doute. Un homme qui sait parler, c'est un homme qui sait savoir. Je marche sur la coquille d'œuf avec bien du monde. Avec bien du monde, je créerais des maudits chocs. Mais je temporise parce que je connais l'avenir de l'homme. Je connais l'avenir. Je sais que ça va prendre 5 ans avant qu'il comprenne. Fait que j'attends 5 ans. J'ai une maudite patience, moi. Je suis en patience même. Fait que je temporise. Mais si vous étiez en initiation avec moi, je vous rendrais des murs. Là, votre ego sera obligé d'absorber l'énergie, c'est pour ça que vous changeriez vite. Mais tu peux pas faire ça avec du monde de même, avec des groupes de personnes, c'est impossible. Il faut que ce soit à l'intérieur d'un cercle bien fermé. Ma femme a voulu me sacrer là 150 fois. Ma femme, changer de vibration, elle est arrivée avec moi. Tu vois, Pierrette, quand j'avais été pas passé en initiation, il y a une limite à une femme. 7 ans de temps. 7 ans de temps. Quand tu dis 7 ans de temps, 7 ans de temps que tu watches, puis tu watches, puis tu watches, puis tu watches, puis tu watches, puis tu watches. Tout le comportement de ta femme pendant 7 ans de temps. Demande-toi pas pourquoi ce que vous dites est conscient. Mais c'est des êtres spéciaux. Ils te font rencontrer, puis c'est elle. Quand ils disent c'est elle, tu vas marier. Comment qu'elle n'a pas de croche? C'est elle, tu maries. Elle n'a pas de croche, mais. Ben, en public, il faut que tu respectes les gens. Quand tu as compris le jeu... C'est différent quand tu as compris le jeu. Oui, quand tu as compris ce jeu-là, ouais. C'est différent. Puis à ce moment-là, ouais. Mais... J'ai tellement souffert dans l'initiation que quand j'ai commencé à donner des conférences, des séminaires, je leur ai dit, je suis pas intéressé à initier personne. Sans ça, je ne ferais pas plus de drame. Mon corps n'aurait pas plus de drame. C'est pour ça que je devais fumer pour rester ici le plus possible. Manger la viande. Mon corps n'aurait pas plus de drame. Je suis épuisé, je suis un homme épuisé. J'ai plus de force. Je marche comme un gars de 60 ans, j'en ai plus de force. Physique. Parce qu'il y a tout dans le mental. En bas, dans la charrette, il reste plus rien. Je m'ai servi de cette énergie-là pendant un certain nombre d'années. J'ai initié 12 personnes. C'est final. Il n'y a plus personne que je peux initier. Mais je peux travailler avec un public, mais à l'intérieur d'une quantité raisonnable d'énergie. Parce que pour prendre les chocs vibratoires d'un homme, faut qu'il y ait beaucoup d'amour entre toi et cet homme-là. Oui. Hey, je voudrais bien qu'un homme fasse passer une initiation, moi, avec la tête de cochon que j'ai. Fait que les gens qui ont vécu l'initiation avec moi, c'est des gens qui m'ont aimé beaucoup, c'est ça qui m'a permis de faire ça. Sans ça, il me rentre dans les murs. Il y en a un qui est 6 pieds 4, chose, il me rentre dans les murs. Commence pas à donner des chocs à un gars de 6 pieds 4 quand il mesure 5 pieds 2. Faut qu'il y ait beaucoup d'amour, puis qu'il absorbe l'énergie, puis absorbe l'énergie, puis absorbe l'énergie. Je t'ai passé une initiation avec Michel, il me rentre dans les murs. Mauvais. Déjà, vous l'avez pas. Oui, mais je parle. Quand vous me rencontrez au début, hein, la réaction, là, c'est ça. Puis dans ce temps-là, quand je donnais des chocs durant l'initiation, c'était des chocs. Comment c'était gros de même? Tu passes dedans. Des chocs au bout, des chocs, les guns. Quand je mettais un gun à la tête, hein, le gun à la tête, je tournais le baril, puis paf! La balle n'appartait pas. Mais tu subis le choc. Fait que tu peux plus faire ça, éventuellement, t'es épuisé. T'es à terre. Moi, je suis à terre, je suis dans ma terre. C'est ça qui me tient. Puis de ça, à cette heure que j'ai vécu ça, c'est ça l'initiation. Ils m'ont fait passer par l'initiation avant, pendant 10 ans de temps, pour que je puisse ensuite avoir tellement d'énergie ici que je puisse communiquer ça au monde. C'est ça, le ce qui s'est passé. C'est pour ça que je dis, quand je parle au monde, que les gens me prennent objectivement, parce que je suis un homme objectif, les gens me prennent objectivement. À ce moment-là, ils voient. Si je dis, bon, mais tes yeux crochent, mais regarde-toi dans le miroir, tu vas voir tes yeux crochent, mais là, tu vas comprendre, puis ils vont se redresser. Mais vraiment, maintenant, là, on est rendu du Bernard, je pense qu'on pourrait en prendre beaucoup. Ah oui, mais pas de moins. C'est sûr que vous allez le prendre entre vous autres. C'est entre vous autres, c'est dans votre vie mais personnelle. À un certain moment donné. Ou en relation avec votre propre énergie, plus de moins. Avec l'entourage, là, ça devient calme. On se comprend tellement entre nous autres, là. C'est ça, votre choc vibratoire. Ça prend un peu plus. Comment est-ce que là, ça prend un peu plus fort, là, pour nous? Regarde ce qui est arrivé avec Diane, il y a 2 semaines. Ouais. Non, le travail se fait intérieurement, les centres sont ouverts. Fait que ça se fait intérieurement. Elle est prête à m'étouffer. Ça se fait intérieurement. Moi, je sais simplement ouvrir les centres. Une fois que c'est fait. Il y a des chocs à Michaud. Il m'a ressacré là, il serait parti. Avec sa sensibilité. J'ai pas compris l'autre jour, qu'il appelait ça durant la rencontre. Moins de rencontre, parce qu'elle était dans l'énergie. Ben oui, mais elle était dans l'énergie. Parce qu'elle était dans l'énergie, puis cette énergie-là est dure. Elle est pénible. Mais pourquoi est-ce qu'elle attendait à ce moment-là pour le faire? Parce que c'est là que ça s'est manifesté le plus fort. Elle était toute dirigée, cette énergie-là. Puis ça s'en sortit. Et quand t'es objectif, tu laisses faire. Ça serait bien gâteau si ça faisait ça à 10 à. Ah oui, c'est évident. Ça ne sera pas de fun. Mais pour toi, Aimé, il y en a d'autres qui pensent ça à... Bernard n'est pas là ou ça se passe à la maison? Il y a bien des gens qui pensent. Il y a bien des gens qui pensent. Non, évidemment. Ça arrive, ça se il y a bien des gens qui passent chez eux et qui passent. Une fois, je parle de Bessette. Là, ils vont commencer à me faire parler de lui. Ils ont des raisons. Une qui s'est fâchée, elle a dit, pourquoi c'est pas tout de croteau puis de Bessette? Je sais pourquoi je parle tout de croteau puis de Bessette. Ça, je parle d'un autre, mais je parle d'un autre. Parce que ça va rester dans le mental du monde, ça. Alors. C'est du monde, ils ont de la fascination. Il faut que les gens se désengagent. Il faut qu'ils viennent à eux-mêmes, Alors, tu disais que quand tu exprimais quelque chose, c'était pas vraiment ce que tu aurais aimé exprimer. Regarde comment je le perçois, mais tu vas dire quelque chose. Les gens vont l'interpréter à la façon qu'ils pensent que tu l'as dit. Mais à un moment donné, quand il arrive, l'illusion tombe, là, ben l'interprétation, elle est là, elle est exacte. C'est ça, se détacher de ce que tu dis. Parce que la parole, c'est la parole. La compréhension, c'est la compréhension. C'est deux. Puis tu es obligé de le dire d'une façon aujourd'hui pour qu'il soit compris d'une autre façon demain. Demain. J'étais allé chez Thibault Desrosiers pour acheter quelque chose, là. Pour la maison. D'abord, je ne savais pas ce que je voulais, parce que la construction, je ne connais pas ça. Mais je connais ça. Hein, fait que je parle à dire au bonhomme d'une certaine façon, puis il m'arrive avec le produit que je voulais. Fait que ça, sans qu'eux autres soient obligés de me dire, mais t'as besoin de telle affaire, telle affaire, rien que le fait que j'ai parlé d'une certaine façon, il m'est arrivé avec l'affaire. Puis eux autres, ils me disent, c'est ça que t'as besoin. Mais nous autres, au niveau de l'ego, on a toujours peur de faire des erreurs. Oh, c'est intéressant ça. On a toujours peur de faire des erreurs au niveau de l'ego. Puis il dit que c'est une illusion. On ne peut pas faire d'erreurs. Ça n'existe pas des erreurs. On pense qu'on fait des erreurs parce qu'on juge ce qui sort de nous autres. Il dit que ça n'existe pas des erreurs. C'est une illusion de l'ego. Puis une fois que l'ego comprend ça, il fait son erreur, mais ça produit quelque chose, cette erreur-là. C'est à l'ego d'être neutre. Il met où son nez là. Fait que là, il veut corriger les erreurs, la première chose, tu sais, ça sort plus. Ça sort plus. Hier, je parlais, je disais, bon, tu te mets le doigt dans l'œil. Parce que, non. Je voulais dire, tu te mets le doigt dans l'œil. J'ai dit, tu te mets l'œil dans le doigt. C'est le même, souvent, ils déforment tout. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Mais ça fait rire le monde, ça détend. Mais moi, au niveau de mon égo, je dirais pas, il se met l'œil dans le doigt. Mon égo dirait, hey, tu te mets le doigt dans l'œil, mais ça serait pas une vibration, les gens n'arriveraient pas parce que c'est normal de dire, tu te mets le doigt dans l'œil. Mais le fait que j'ai dit, tu te mets l'œil dans le doigt, là, ça fait rire le monde. Puis après ça, je voulais dire, tu te mets l'autre dans. Mais c'est pas ça que je voulais dire. J'ai dit, tu te mets l'autre dans l'œil. Mais l'ego s'attache au mot, puis l'ego veut toujours contrôler ce qu'il dit. C'est pour ça que l'ego est pas capable de parler. Parce qu'on pense qu'il veut contrôler ce qu'il dit. Fait que ça finit par un langage intellectuel. Le monde a compris, l'œil dans le doigt. Ils ont compris ce que ça veut dire. Puis ça a fait la vibration, ça détend la salle. Ça n'existe pas les erreurs. On pense. Tellement à ce qu'on fait. À ce moment-là, on commence à vivre, à être libre. Pas libéré, libre. Puis on est bourré de mauvaises habitudes. De bourré. C'est sans fin. Des fois, je suis pas capable de dire deux mots comme du monde. Je dis, oui, oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est une belle surprise après-midi. Hein? Il y a de la signification dans tout. Tout. Quand on tombe dans la vibration, quand tu le mets, tu sens plus ton ego. Il est là quelque part. Tu le sens plus. Quand les gens te mettent sur ce format, te mettent sur le sacré. Ah, ben, c'est évident. Et c'est là les histoires que les gens racontent sur mon cas. J'ai entendu quelques-unes. Ah, c'est incroyable. Tout à l'heure, quand tu parles, quand ça fonctionne sur le côté de l'intellect, l'intellect est toujours dans l'insécurité, est toujours dans le doute. Quand ça fonctionne dans point de vue de l'intellect, quand ça pénètre direct, t'es plus dans le doute, c'est ça? Ouais. Il faut que l'ajustement soit fait entre corps mental inférieur et corps mental supérieur. Ouais, parce qu'il vient. Il vient de chicoter. Alors, ça, tu l'as vu. Ouais, ben, tu sais. Tu sais, ah. Oui, mais. Parce que quand t'es plus dans le doute, t'es bien. pas être dans le doute, là. Pour moi, là, c'est comme respirer. Pas être dans le doute. T'sais, pour expliquer ça physiquement, là, quand t'es pas dans le doute, c'est comme tu respires dans ton mental. Oui, parce que quand tu comprends quelque chose, il y a une petite facette, quelle est-ce que t'es là? Ouais. T'es bien dans ta peau. Mais t'en souffres une maudite chose. Faire le don de sa personnalité, c'est pas un cadeau. T'es bien beau, ils ont bien beau te dire que tu l'as fait avant de venir sur la terre, mais tu l'as fait pareil. Quand tu vis 29 ans, chose, puis tu te retrouves comme un yo-yo, parce que ça prend des années avant que ça s'équilibre les forces avec eux autres. Tiens, un peu vous, c'est tension. Tout le temps. Tout le temps. T'es tout le temps sous tension, tout le temps. Moi, quand ils ont fini le travail sur mon corps astral, là, et ma souffrance était tellement grande un jour que j'ai crié, j'étais dans mon char, j'ai crié, là, puis un boulet, gros de main, qui est sorti de mon plexus solaire, puis qui est sorti dans l'espace. Gros comme ça. Puis, concret, c'est réel, l'astral. Il est sorti, tant la souffrance est intense. J'étais avec Pierrette, je pensais que j'allais mourir, le char. Je pensais qu'il évite de péter. Et après ça, là, j'ai commencé à relaxer. Puis c'est pas fini, j'ai encore une tension au niveau du corps éthérique que je vais garder jusqu'en 84. Fait que c'est pour ça que tu peux pas être heureux. Tu es bien dans ta peau, mais tu peux pas être heureux. Puis quand t'arrêtes, t'essaies de transmettre à l'homme, à l'ego de l'homme, ce que t'as vécu, puis ce que tu sais, d'une façon absolue, puis que tu sens la vibration de l'ego, tu souffres. Automatiquement. Puis quand, surtout quand tu sais le temps que ça prend, puis tout te perd. Les gens parlent de la lumière, ils savent pas qu'est-ce que c'est de la lumière. C'était pour souffler dans l'expérience. C'est pour ça qu'éventuellement, l'occulte, les gens parlent d'occulte. Moi, là, ça n'existe pas, l'occulte. Vie réelle, vie bien réelle. Vous imaginez des fois qu'il... Dans cette période-là, tu es fou. Tu l'es fou. Prendité. C'est un changement total. Seulement, tu peux pas craquer parce qu'ils tiennent, ils tiennent, puis ils tiennent, puis ils tiennent. Tu peux pas te suicider parce qu'ils tiennent, ils t'enlèvent ton libre arbitre, fait que tu peux pas te suicider. Tu peux même pas te lever de ta chaise s'ils veulent pas. Puis quand t'es un universitaire, je dis pas si j'avais été préparé comme Bessette, qui s'est été préparé à l'anastral. C'est des êtres spirituels. Fait que quand ils viennent, t'es préparé, t'es content. Mais quand t'es un intellectuel comme moi, j'étais en science, moi, j'étais en génie. Puis t'arrives avec une patente de même, genre, t'en fais un maudit step. Tu penses que c'est le soleil qui rentre, parce que tu te souviens, c'est le soleil qui rentre dans la maison, tu sais. Un petit rayon de soleil. Là, c'est plus un rayon de soleil, là. C'est une affaire, c'est comme un laser, puis ça rentre, là, puis là, ça arrête, là, puis il y a une forme qui commence à se développer, là. Puis là, tout d'un coup, il y a un être qui sort de ça. Tu commences à faire une idée. Oh! Quelle minute? Tu connais juste à l'imaginer qu'il y a plus ses. Ouais. Puis ils ne t'aident pas avec des mots, ils te communiquent tout par télépathie, hein. Que, ben, tu comprends vite en maudit. Là, ils sont bien beaux, là. Ils sont beaux. Là, tu as tes genoux. Tu ne penses pas à faire ta vaisselle dans ce temps-là. Tes genoux. Puis là, tout d'un coup, là, ils changent l'image complètement, c'est un autre. Là, c'est la laideur complète. Tu sais, les gens parlent des formes sataniques. Là. Là, c'est l'opposé complètement. Des monstres avec des queues et des cornes, là. Ils sont devant toi, je trouve que les yeux, t'es voué. Le portrait du diable qu'on peut voir. Ouais, ouais. Ça vient de l'imagination de l'homme. Mais quand c'est matérialisé, là, t'es gelé encore. Là, tu passes dans ça, ça chante. Là, tu sais pas ce qu'est le pied dansé. Puis, tiens, toi, moi de même, mais que t'as pas. Demande-toi pas pourquoi est-ce qu'il t'envoie dans le jeûne pour prendre un break. Ouais. Ouais. C'est son autre émission? Sa dernière émission? La 15e émission. Ah oui. C'est pour elle. Ouais. Elle a montré des spécimens comme ça. Il est trop beau. C'est vraiment beau. Putain, tu sais, ça a toujours été écrit dans les livres. Les initiés l'ont toujours dit. Ceux qui ont eu des grandes expériences. Ils disent, il faut que l'homme soit préparé. L'homme soit préparé. Les gens veulent ça. Tu peux pas vouloir ça. C'est une souffrance énorme. Faut que tu sois préparé. Quand tes corps sont préparés, à ce moment-là, ça va bien. faut que tu sois préparé. Ben oui, mais d'abord, même si ça a été écrit, le monde n'a pas compris. Combien de temps? Le monde n'a pas d'expérience. Comment tu lirais des livres? C'est ça la grande souffrance. J'ai plus de souffrance. Mais la grande tristesse de l'âme, c'est le temps. Fait que quand je vois du monde, puis je sais que ça avance, puis qu'ils comprennent, là, je suis content, je relaxe. J'ai plus d'efforts à faire. Une fois que les gens sont en harmonie vibratoire avec moi, je pense pas que les gens acceptent ce que je dis. Ça, c'est magnifique. Mais une fois que les gens sont en harmonie vibratoire avec moi, à ce moment-là, je suis content, je relaxe. Là, je parle, je sais que le chemin va loin. Là, je suis bien. C'est plaisant. Mon travail devient plaisant. Mais Bernard, au niveau des extraterrestres, est-ce que ça peut arriver, mettons, que c'est pas moi qui n'ai qui apparaît dans ton jardin et c'est pas prêt? Le phénomène des extraterrestres, il y a bien des gens qui sont pas prêts. Le phénomène extraterrestre, c'est un phénomène humain, c'est pas un phénomène transcendantal, c'est pas un phénomène cosmique, les extraterrestres. Parce qu'il y en a qui en ont vu rôder dans le dos, là, chez nous, parle-moi chez nous, là. Elle m'a amené, Phénomène extraterrestre, c'est un phénomène. Les extraterrestres sont très avancés dans la science de communication, puis ils savent s'ils vont à un endroit, ils vont à un endroit, puis ils savent des gens où ils connaissent l'environnement psychique. Puis il y a des gens qui bousculent à cause de ces expériences-là, puis il y en a qui grandissent à cause de ces expériences-là. Mais ceux qui viennent ici, c'est pas qu'on s'intéresse aux sources énergétiques, pour checker les bachelets, checker les courants électriques, tout ça. C'est vraiment parce qu'ils sont intéressés à notre science au niveau de l'énergie ou c'est quoi l'utilité dans ce temps-là? C'est pas qu'ils checkent des sources énergétiques, c'est qu'ils prennent l'énergie électrique et le transforment. Ils sont capables de prendre l'électricité et de transformer en énergie. Donc, ils n'ont pas besoin de contact avec les autres, d'individus. Non, ils n'ont pas besoin de contact. Souvent, ils vont faire des contacts. Souvent, ils vont faire des contacts à l'insu de l'individu. Souvent, ils vont faire des contacts directement avec des individus. Borgia, en Espagne, il y a eu des contacts directs avec eux autres. Mais ça faisait partie de son plan de vie. Ouais. Ça faisait partie de son plan de vie. Puis souvent, les gens qui ont des contacts avec des extraterrestres sont des égaux qui viennent déjà d'autres planètes, qui se sont incarnés sur la planète Terre, puis qui reviennent en contact avec ceux dont ils sont originaires. Ils retrouvent les êtres d'où ils viennent, eux autres, avant la mort. Non, à ce moment-là, il se rappelle pas qu'il avait un extraterrestre. Non, il s'en rappelle pas. Peut-être pas son égo, mais il doit vibrer dans cette forme, à un moment donné. C'est au niveau de l'évolution, ça. Si tu pars d'une planète, puis tu reviens sur le plan matériel, puis que ça fait partie de ton plan de vie, que l'autre vienne éventuellement, fasse un contact. Adamski, c'est un exemple. Adamski venait de la planète d'où venaient ceux qui l'ont visité. Ça, il y a tout ça de raison là-dedans. Il faut jamais mélanger le phénomène extraterrestre avec le phénomène des mondes de lumière. C'est deux patentes différentes. Les extraterrestres sont des hommes comme nous autres. Ils ont le pouvoir sans matière, ils sont immortalisés. Mais ils ont le pouvoir, ils sont des hommes comme nous autres. Le phénomène de lumière, c'est un autre paiement. Lunch? Commencer à parler, c'est super intéressant. On a commencé un petit peu là, d'une couple de minutes. On doit en arriver à être tellement sensible à notre énergie que on doit jamais s'occuper de ce qu'on a à dire. On devra jamais s'occuper de ce qu'on a à dire. Puis plus l'ego s'habitue à pas s'occuper de ce qu'il a à dire, plus l'ego devient un canal de ce qu'il a à dire. Si on s'occupe trop de ce qu'on a à dire, on déforme ce qu'on a à dire et ça sort pas juste. Puis le mécanisme de la construction du canal en relation avec le pouvoir de la parole est lié à deux facteurs. La sécurité de l'ego et le pouvoir de l'esprit. Et le pouvoir de l'esprit se construit au fur et à mesure que l'ego perd de son insécurité. Mais si l'ego ne sait pas et ne réalise pas de bonheur qu'il doit jamais s'occuper de ce qu'il a dit. C'est pas de ses affaires ce qu'il a dit. À ce moment-là, il va toujours construire dans lui-même une valeur à ce qu'il a dit. Puis aussitôt qu'on met une valeur à ce qu'on a dit, si on met le moindrement une valeur sur ce qu'on a dit, on déforme ce qu'on peut dire. On perd le pouvoir de dire ce qu'on peut dire. Il faut jamais qu'on mette de valeur sur ce que l'on a à dire. On n'a jamais compté l'histoire des gens. Jamais. Jamais, parce qu'à ce moment-là, on parle avec du matériel passé. Puis on ne doit jamais parler avec du matériel passé, on doit toujours parler avec du matériel neuf, de sorte qu'on ne se répète jamais, qu'on va vraiment en arrière. On avance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il dit que l'ego doit s'habituer à rentrer dans la forêt avec son couteau, puis couper les arbres, couper les arbres, couper les arbres. Jamais prendre les arbres en arrière qui ont été coupés, puis les remettre debout. Dans les mouvements, là, supposons, c'est clair ce que je suis rendu. Jusqu'au moment où je suis rendu, je comprends les mouvements qu'il y a eu à l'entour, tout ça. Mais je sais jamais le lendemain. T'as pas l'affaire à le savoir le lendemain. Ça revient à... Puis regarde comment est-ce que ça va loin, ça. Ça va loin jusqu'au niveau de tout le phénomène des prophéties, de l'apocalypse, toutes les patentes qui énervent le monde. Quand ils disent, occupez-vous pas de demain, occupez-vous pas dans 20 ans, puis dans 30 ans, puis dans 25 ans, occupez-vous pas. Avancez, puis quand ça sera le temps, vous passerez à travers. Mais quand je parle de demain, c'est demain et demain. Ouais, c'est la même chose. Pas dans 20 ans, non, non, mais demain, c'est la même chose. Demain, c'est demain. Tu devrais même pas... D'ailleurs, je vous parle pour demain, parce que demain, vous allez comprendre ce que je dis. Demain, tu pourras même pas planifier 5 minutes d'avance. T'en arrives à un point, tu peux même pas planifier 5 minutes d'avance parce que t'as plus le pouvoir de penser. Quand tu n'as plus le pouvoir de penser, tu peux plus planifier dans 5 minutes. Quelqu'un te demande, qu'est-ce que tu vas faire dans 20 minutes? Tu le sais pas. Mais là, vous avez assez d'énergie mentale au niveau du mental inférieur pour pouvoir savoir ce que vous allez faire dans 20 minutes. T'sais. Mais il viendra un jour où vous ne serez plus capable. Vous ne pourrez plus planifier dans 5 minutes. Vous ne pourrez plus, ça sera totalement impossible. Mais c'est facile quand on n'a plus le pouvoir de penser, mais là, on peut ouais, mais là, penser. Mais là, c'est parce que c'est ça que je vous dis, c'est pour demain. Ouais. Tu sais, quand je vous parle toujours pour quand ça se produisera, vous ne serez pas inquiète. Mon inquiétude est d'être inutile. Non, mais là, présentement, on est pris avec nos pensées. Oui, d'accord. Je le comprends, puis je l'accepte. C'est normal. C'est normal. Vous êtes normal. Mais tout à l'heure, vous allez être normal, mais d'une autre normalité qui apparaîtra normale aujourd'hui. Ce que je fais, c'est que je vous dis, bon, ben, dans 6 mois ou dans 1 an, tu vas agir de telle façon. Même que ça arrive, qu'on se tape en tête, c'est normal. Fait que s'il vient un point dans 6 mois où tu ne peux plus planifier, mais fais-toi-en pas, c'est normal. Puis éventuellement, tu t'ajustes, puis tu t'habitues à ne plus pouvoir planifier, puis tu vis de même. Fait qu'au niveau de toutes nos activités, c'est la même chose. Au niveau du langage, c'est encore plus important, il dit, parce que c'est par le langage qu'ils font connaître à l'homme ce qui doit être connu du mystère de l'homme. Mais il faut que l'homme cesse de vouloir dire ce qu'il veut dire. C'est pas ses affaires ce qu'il a dit, l'homme. L'homme vient qu'ouvrir son canal, ça passe. Puis il dit ce qu'il a dit. L'ego. Ah donc, l'ego doit s'habituer à ça. Puis l'ego n'est pas habitué à ça. Parce que l'ego veut toujours donner de la valeur à ce qu'il va dire d'avance. Il veut s'assurer que ce qu'il va dire, ça va être bien compris. Il veut s'assurer que ce qu'il va dire, c'est bien ça. Il veut s'assurer de ne pas faire d'erreur. Fait que l'erreur, l'ego fait automatiquement interférence avec l'énergie vibratoire de la conscience universelle sur le supramental. Faut que l'ego se désengage totalement de ce qu'il a à dire. Puis à ce moment-là, une fois qu'il s'est désengagé, pourquoi ces gens ne peuvent pas parler en public? Parce qu'ils veulent dire quelque chose. Voilà. À moins d'avoir une bonne éducation, puis étudier des notes, puis encore, ils ont une traque. Parce qu'il dit qu'on se met le nez constamment dans leurs affaires, c'est pas de nos affaires ce qu'on a dit. C'est de leurs affaires. Puis ça, c'est bien subtil. Puis quand tu commences à comprendre ça, bien là, tu commences à parler une chatte. Là, tu t'aperçois que t'en sais bien les affaires. Mais pour le vivre, ça, faut que tu détruises l'insécurité de l'ego de vouloir dire ce qu'il veut dire. L'ego n'a rien à dire, parce que l'ego, il connaît rien. Mais il veut dire quelque chose. Vous imaginez qu'il connaît quelque chose. Mais il connaît rien, l'ego. Il connaît absolument rien. L'ego connaît rien, rien. Moi, c'est pour ça, ça fait 10 ans que je fais et je détruis des formes. C'est une preuve que l'ego connaît rien. Tout ce qu'on a appris, tout ce que j'ai appris dans 10 ans, moi, c'est tout contre ce que j'ai, mon ego savait avant. Les gens disent l'homme s'incarne. L'homme s'incarne pas, c'est l'ego qui s'incarne. Tu vois? Fait que c'est ça. Puis on vit constamment avec des erreurs de l'ego comme ça. C'est bourré comme ça. Moi, j'ai pas le goût d'aller travailler. En dedans, là, j'essaye de me programmer. Mettons, la semaine prochaine, je vais aller me rechercher une job. Puis, je vais avoir besoin de gagner. Puis, en dedans, je me vois pas avec... Tu te vois pas parce que t'as pas la vibration, mais la semaine prochaine, ils peuvent te donner la vibration, mais tu vas y aller. Si tu vis dans l'anxiété d'aller te trouver une job la semaine prochaine, tu vas avoir une tension. Fait que tu dis là, t'as pas la vibration, couche-toi et bouille du corps. La semaine prochaine, t'auras la vibration, tu te lèveras et tu recherches une job. C'est pas de tes affaires de trouver un job la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera de leurs affaires de te faire trouver un job pour ton bien-être. Vas-y, vas-y. C'est pas de nos affaires, la vie. Mais on met toujours des petits ingrédients dans notre vie, puis on fait toujours de la vie nos affaires, puis ça va toujours mal. C'est pas de tes affaires si tu travailles pas. Ça me vient, ça, c'est aussi, là, je dis, ben là, c'est arrivé que je sais qu'il y a soir, puis je vis quand même. Ouais. Mais à un moment donné, ça m'arrive aussi que ça me revient que tu dis, ben organisez-vous, cherchez-vous le job, puis. D'accord. Pour, okay, mélangez pas ce que je veux dire. Quand je vous dis, trouvez-vous un petit job, travaillez. Il y a des éléments essentiels de vie que vous devez avoir, le logement, la nourriture, le travail, l'argent, pour manger, tout ça. Ça, c'est pour les gens qui sont pris dans l'illusion spirituelle. C'est pas pour tout le monde que je dis ça. Mais il y a des gens qui sont pris dans l'illusion spirituelle parce que souvent, l'énergie, quand elle descend, elle transforme tellement, puis elle crée tellement d'énergie spirituelle dans le monde, dans les individus, que là, ils veulent plus travailler. Là. Ils sont partis dans leur ballon. Je dis, descendez vos pieds sur terre. Travaillez. Ça, c'est un volet de ce que je dis. Mais dans l'autre volet de ce que je dis, c'est pas de vos affaires d'aller travailler. Quand vous aurez la vibration, vous irez travailler. Tu peux pas aller travailler si t'as pas la vibration. One way or the other, tu vas pas y aller si t'as pas la vibration. Fait que attends de l'avoir. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Il n'y a jamais de contradiction dans ce que je dis, mais je suis obligé de créer des contradictions pour vous faire comprendre des opposés de ce que je veux dire pour que vous compreniez la synthèse de tout ce qui doit être compris. C'est subtil quand je dis que c'est pas de vos affaires ce que vous faites. C'est subtil. C'est bien difficile pour un ego de comprendre ça, puis de saisir ça, puis de vivre ça. C'est ça que je vous parle toujours pour demain. C'est juste. C'est juste. C'est comme revirer à l'envers la responsabilité, ça, tu sais. Tu dis qu'il faut être responsable ouais. de ce que je fais, ce que je dis, de mes enfants. C'est comme revirer à l'envers les attitudes qu'on a, oui. qui font que notre vie est existentielle. Parce que l'ego, il vit toujours dans l'insécurité. Tu sais, le monde parle de la foi, puis le monde... D'abord, OK. Si l'homme voyait, si l'homme savait qu'est-ce que c'est l'homme, si on savait qu'est-ce que c'est l'homme, on s'inquiéterait vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il refuse de faire descendre des pouvoirs de l'esprit sur le plan matériel pour l'initiation. Parce que si les gens faisaient l'expérience du pouvoir matériel de l'esprit sur le plan matériel une fois, si, autrement dit, il se manifesterait en pouvoir, il n'y aurait plus d'initiation, les corps ne seraient plus transformés, les gens auraient la foi. Mais les corps ne seraient pas transformés, puis les gens n'auraient pas le pouvoir éventuellement de se servir de cette énergie-là. Parce que tu réaliserais à ce moment-là que vraiment, l'homme s'inquiète pour rien. Mais quand tu n'as pas, quand il ne manifeste pas le pouvoir, puis qu'il donne le minimum pour évoluer, à ce moment-là, l'ego, lui, est obligé de se débattre constamment jusqu'à temps qu'il ne se débatte plus. Puis il dit que l'ego, c'est comme un poisson. Quand il est dans son eau, il est bien. Aussitôt qu'il est accroché à la ligne, il se fait à la queue. Puis là, la ligne est accrochée. La conscience, c'est la ligne qui accroche l'ego, puis les égos se font tout aller à la queue. Faut que les égos en arrivent à tout se faire aller la queue. Ça, c'est ça, l'initiation de l'ego. Fait que quand vous dites, quand vous me donnez des contre-arguments, je vous comprends parfaitement, vous avez entièrement raison. Mais c'est pour ça que je vous parle toujours pour demain. Je vous dis, demain, vous comprendrez que c'est pas de vos affaires. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Que quand tu es dans le pouvoir, tu as assez souffert pour un ingrandi que tu n'en fous du pouvoir, tu n'as plus rien là, ça ne marche rien intérieurement. C'est tout à l'intérieur. Tu peux intéressé au pouvoir. C'est de l'ego être intéressé au pouvoir. Mais en ce qui concerne la vie, puis les jobs, puis les ci, puis les ça, on a toujours. Ils prennent tout soin de nous autres, tout le temps. Ils les font passer par des étapes, par exemple. Puis c'est là que l'ego s'inquiète. Ils sont obligés de nous faire passer par des étapes, sans ça, les corps ne se changeront pas en vibration. Mais on s'inquiète. C'est pour ça que la fusion est importante pour au moins une personne. Parce que quand tu fusionnes avec une personne, quand même tu te débattras, Charlie, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Moi, il y a un homme qui m'a offert 100 000 piastres pour ouvrir un institut de science. Puis comme il contrôle ma parole, j'ai dit c'est pas le temps, c'était final. ça m'a ressorti du trou de suite, tu comprends? C'était pas le temps. J'ai dit, qu'est-ce qu'il me dit là? Il dit, écoute-lui objectivement. Mais quand je suis venu parler, puis qu'il me dit, t'as mets-tu ta griffe? J'ai dit c'est pas le temps. Quand il dit c'est pas le temps, puis t'es fusionné, c'est pas le temps qui sort. C'est pas oui, m'a signé. Mais il s'occupe toujours de toi. Puis j'ai pas travaillé pendant 10 ans de temps, moi. Je pouvais pas travailler. Vous autres, vous avez le choix de travailler. Moi, je n'avais pas le choix. Qu'est-ce que tu as fait? Ils m'ont trouvé une femme, puis ma femme m'a aidé. Et, j'ai rencontré des amis. Pourquoi tu dis qu'on a le choix? Vous avez le choix parce que vous êtes encore dans l'illusion du choix. Vous avez encore le libre arbitre, vous n'avez pas perdu votre personnalité, vous n'avez pas fait le don de votre personnalité. C'est pour ça que je vous dis, inquiétez-vous pas. Attends. Tu te reposes, tu te reposes, toi. La semaine prochaine, tu l'auras la vibration, tu iras trouver une job. En attendant, regarde la télévision. Mais c'est ton cas, c'est pas le composé. Si tu étais dans l'illusion de pas travailler, puis tu voudrais pas travailler parce que tu serais dans des illusions quelconques, là, à ce moment-là, je dirais, trouve un petit job. C'est important que tu trouves un petit job. Mais dans ton cas, c'est pas le problème, ça. Parce que ce problème-là n'existe pas pour toi. Comment tu te dis? Si elle travaille pas, c'est pas parce qu'elle veut jamais travailler. Si elle travaille pas, c'est pas parce qu'elle veut pas travailler. Il est timing. C'est juste le but. Puis plus on devient sensible à leurs énergies, plus on est obligé de vivre dans leur énergie, dans leur timing, pas dans notre temps. On vit toujours dans notre temps. Il faut en arriver à vivre dans leur temps. Puis leur temps, c'est pas notre temps. Nous autres, notre temps, c'est tout de suite. Leur temps, ça peut être dans 2 semaines, 3 semaines. Puis c'est là qu'on développe de la résistance. C'est là que l'astral se transforme en mental. C'est là que l'astral se transforme en mental. Sans ça, ils sont obligés de prendre des grands moyens. Alors, s'ils ne prennent pas des grands moyens, mais ils sont obligés de créer des situations. Tu peux avoir un job, tu peux arriver un matin sans job, tu le faux de rien, comprends-tu? Ils vont te faire faire une erreur psychologique, le boss est de bonne humeur, il te met à la porte, tu perds ta job, t'es sur la planche pour 2-3 semaines, 2 mois, 2-3 mois. Puis pendant ce temps-là, ben, ça fait du travail. Si t'es snap, t'es sur la planche, tu restes sur la planche. Moi, s'il faut faire ma job, dans le cul peinture, que je prends un break. Comment tu veux dire? Mais l'ego ne fonctionne pas de même. L'ego, il se casse la tête. C'est au bout, l'ego. Frère. C'est bon. Avec ça. Bon. Comme tu dis, c'est au bout. Dans ce sens-là, je dis. Ah oui. Au bout de la merde, comme tu dis. En plein ça. Hein? Mais, comme nous autres, on, à la fin du siècle, on reçoit de l'information. Puis l'information défie constamment l'ego. C'est pour ça que l'ego se débat. dans cette information-là. Puis un jour, l'ego ne réalise que c'est une maze. C'est parce qu'il est arrivé à une étape d'évolution. Une autre étape, puis une autre étape, puis une autre étape. C'est pour ça que les gens qui passent en initiation ont jamais... La plupart des gens, je suis sûr que c'est le même pour une grande majorité des cas, les gens qui passent par l'initiation solaire, soit qu'ils feront, on leur enlèvera la sécurité financière, ou qu'ils en auront seulement un petit peu. Juste assez. Pas trop. Juste assez. Parce que si l'homme avait trop de sécurité financière, il ne pourra pas faire le travail. Alors, qu'est-ce qu'il fera à ce moment-là? Il créera une illusion spirituelle tellement puissante dans le gars que le gars là, se sentira obligé de donner son argent. Tu sais, les illusions spirituelles? Les spiritualistes, là, il n'a plus besoin d'argent, là, il donne son argent. Puis là, il le mettrait dans la rue, puis un jour, il comprendra que ça va servir ça pour spiritualiser son corps astral. Mais qu'il devra plus tard revenir les deux pieds en terre. Alors, son cochon, sont au bout. Moi, je connais un Américain. Un riche Américain que j'ai connu au début de l'initiation. Un héritier. Les Américains, quand ils héritent, ils héritent Charlie. 160 000 piastres de la shot, c'est à toi et deux ans. Ils l'ont mis dans une illusion spirituelle tellement grande là, que tout son argent était flobé. Tout son argent. Là, il voulait sauver le monde. T'allais le voir, là. S'il demandait de l'argent, il t'en donnait. Un autre allait le voir, il donnait de l'argent. Le cœur, le grand cœur. J'ai dit un jour, j'ai dit, Bob, one day you will have no more money. Puis moi, j'étais en initiation dans ce temps-là, puis j'étais à la table au restaurant. Puis il dit à moi, il prend 20 piastres. Puis moi, durant l'initiation, j'avais pas le droit d'avoir de l'argent. Il fallait que je souffre la grande pauvreté. Là, il prend 20 piastres, puis il déchire le 20 piastres, puis il laisse tomber en dessous de la table. Puis il dit, money. Là, c'est... J'ai dit, Bob, one day you will be broke. Puis aujourd'hui, il n'y a plus de cent. Il n'y a plus de cent. Il l'a payé sa maudite illusion. Ça, c'est l'ego spirituel. Ah, mon argent. Quand tu as de l'argent, c'est facile de dire. Ça compte pas l'argent. Mais quand tu n'as plus. Ouais, j'ai dit. Moi, quand je fais une prédiction, je fais pas gros des prédictions, mais quand je dis à quelqu'un, dans tant de temps, ça vient. Il n'y a plus de cent aujourd'hui. Un grand bonhomme extraordinaire. J'ai dit un jour, j'ai dit, tu vas être prêt en 1992. Il a sauté au demain. Il pensait d'être prêt tout de suite. C'est spirituel. 92. Ah, il a sauté de main. Il était en maudit. Puis j'ai dit, ta fille, tu vas perdre dans deux ans. Il l'a perdu, elle est morte. Elle s'est noyée. Ah, là, il saute en sas. Mais c'est un grand bonhomme. Il a appris énormément de choses aujourd'hui. Mais c'est en 92 qu'il va être prêt à faire ce qu'il va faire. Mais ils ont créé une illusion tellement puissante qu'il a tout passé son argent. Comment tu auras 500 000 piastres? Facile, passer 500 000 piastres. Tu es un chum, tu donnes une Ferrari, puis un autre, tu donnes une Jaguar. Puis tu auras plus gros des cents de valeur. Des tapis de Turquie. Ah, c'est frère, ce qu'il fait. Frère. C'est absolument, totalement le manque de discernement. Faut souffrir pour avoir le discernement. Pas spirituel. Ils te mettent dans la merde par la spiritualité. C'est leur façon de te mettre l'hameçon à la bouche. Ils vont pas accrocher un gars dans la mafia. Ils vont approcher un gars qui est bien spirituel, puis te mettre l'hameçon dans la bouche. Là, tu marches. Tu vois, jusqu'à temps que tu as compris ta leçon. C'est pour ça qu'il y a bien des gens des groupes spirituels, des organisations spirituelles qui me regardent de mauvais oeil de cet incite parce que... Mais un jour, ils vont comprendre. Je connais la game. J'ai envie de dire à Carmen Loranger, j'ai dit, Madame de Sergéry, elle va mourir tout à l'heure, là. Il faut qu'elle meure. C'est important qu'elle meure. C'est bon, qu'elle meure. Ça, faut qu'on sorte des illusions. Puis quand on sort des illusions, on est bien en maudit, on respire. Moi, ils m'ont empêché de tomber dans des illusions parce que j'étais un intellectuel. Fait que moi, ce qui m'intéressait, c'était Mais si elle a fallu que je tombe dans la cosmogénie du Rancia dans ce temps-là, puis tout, avec ma sensibilité, j'en aurais fait de la ballonne. Et ils m'ont protégé de ça. Fait que quand ils m'ont accroché comme un bébé, tu sais. C'était neuf. Et les gens, surtout aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, toutes les écoles, puis les ci, puis les ça, je te jure qu'il y en a qui ont envie des illusions. Puis ça fait partie de la révolution. Mais un jour, il faut que les gens passent de la spiritualité à la conscience pure. Pour qu'ils sachent. Il dit, on peut pas être niaiseux toute notre vie. Puis il me le dit de même. Il dit, vous autres, vous en savez déjà trop pour aller en arrière. Il dit, vous en savez déjà trop. Parce que vous avez la résonance. C'est la résonance, la patente. Puis un jour, vous allez en arriver à comprendre les trucs de l'esprit, les trucs. C'est là où vous allez avoir la maturité et la psychologie supramentale. La psychologie supramentale, ça défie toutes les qualités et toutes les sortes d'intelligence. Il n'y a pas une sorte d'intelligence qui ne peut pas être vue précisément par la psychologie supramentale. C'est un pouvoir, la psychologie supramentale. C'est définitivement un pouvoir. Ça fait partie de la science de l'âme, de la science de l'esprit, de la science des mondes, de la science de l'homme, de la science de tout. C'est la plus grande des sciences, la psychologie supramentale. C'est extraordinaire. Fait que quand tu es assis là-dedans, t'es bien. Tu conduis au volant, Charles. Tu conduis. Tu ne fais plus promener dans l'autobus. Tu peux plus toute l'heure de ta vie, tu te promener en métro. Hey, qu'est-ce que ça sent là-dedans? Il dit que l'homme doit devenir très intelligent. Très intelligent. Pas éduqué, c'est pas bon. Très intelligent. C'est toujours en invoquant son action qui devient intelligent. Tout son action, son action, son action. Vous faites un geste, vous le faites le geste, vous ne regardez pas à côté s'il y a quelqu'un qui vous check. Tu fais le geste, c'est final. Toujours devenir maître de votre geste. Toujours devenir maître de votre geste. Jamais calculer s'il y a quelqu'un qui est d'accord ou pas d'accord de votre geste. Le moment que vous calculez si quelqu'un est encore ou en désaccord avec votre geste, vous diminuez le pouvoir de votre geste. Vous diminuez le pouvoir de votre conscience, vous diminuez le pouvoir de votre créativité, vous retardez l'évolution de votre destinée. Vous retardez votre entrée dans la vie. L'homme doit en venir à être tellement sûr de lui, là, tellement centré, qu'il en devient... Il en devient quoi? Qu'il en devient névrosant. On va l'expliquer, celui-là. Deux façons de gagner. Tu deviens tellement conscient, là, que t'en deviens névrosant. Comment tu veux dire névrosant? Tout le monde comprend. C'est ça, des fois, je suis névrosant. Ouais. Ouais. C'est ça. Ma femme, elle appelle ça la névrose cosmique. Des fois, on peut dire, wow, c'est assez. Là, parce que les vibrations, ça vibre tellement en bout de elle, là. Ça vibre tellement, là. On peut dire, wow. Mais tu le contrôles, fait que, tu sais, t'es pas capoté, mais tu vois, puis t'es sûr de voir. Je sais pas ce que c'est, je veux dire. C'est ça, je veux dire. Puis là, t'es bien. Parce que là, t'as plus de maître. T'as plus de maître. T'es maître. Tu comprends quand un grand nombre de personnes qui sont des mails puis qui se parlent, ça commence à faire de la josette, ça tape. Ça commence à être puissant, un noyau comme ça, dans une civilisation, dans un monde. C'est pas pour ce monde-là, anyway, c'est fait. C'est pour l'autre. Il dit qu'il faut qu'on en arrive à être tellement conscient qu'on sache qu'on n'est pas sur le plan matériel pour le plan matériel, qu'on est sur le plan matériel pour la transition vers l'éther. Il dit qu'on devait, on doit en venir être tellement conscient que c'est plus la terre matérielle qui nous intéresse, c'est l'éther. Ce qui se passe sur le matériel, en attendant, ça fait partie simplement de la transition. Éventuellement, tu vis à un point de conscience telle que la Terre devient très, très, très, très petite. Très petite. Tu viens éventuellement que tu souffres de l'espace. Tu en souffres de l'espace. Tu n'as plus de place à aller. Tu peux pas aller à Seattle, tu peux pas aller à New York, tu peux aller à San Francisco, parce que astralement, tu ne vis plus. Fait que ce qui arrive, c'est tout en dedans. Fait que c'est comme si tu prendrais le monde à l'extérieur, là. C'est tout en dedans que tu vis. Puis ça devient tellement intense, là, que tu viens extrêmement... Tu deviens tout compact. Puis tu pourrais rester... Tu pourrais vivre Saint-Dicenne, puis pas griller, puis tu seras totalement conscient. Puis éventuellement, la vibration sera tellement grande que tu te changeras dans ton espace. Tu n'as plus besoin de la taille matérielle pour vivre. Rendu à ce point-là, mais tu changes de plan automatiquement. C'est ça l'évolution dans laquelle l'homme s'en va. Tout ce qu'ils nous disent est en fonction de ça, parce que tout ce qu'ils nous disent est en fonction de développer en nous les nuances de la psychologie de l'esprit, dans notre mental humain, pour qu'on en arrive à comprendre tout sans passer par l'intellect. Faut qu'on arrive à comprendre tout sans passer par l'intellect, puis automatiquement, ben, on développe en nous une centricité tellement grande qu'on n'est plus approchable. On n'est plus approchable. On est approchable si on veut. Puis à part ça, on n'est pas approchable parce que tout ce qu'on a dit, ça déforme, ça déforme, ça déforme, ça déforme, ça déforme. Fait qu'éventuellement, tu ne peux plus parler avec n'importe qui. Parce que soit tu penses que tu es capoté, fait que tu perds de l'énergie pour rien. Fait que tu parles avec des gens qui te comprennent, puis s'ils sont pas là, ben t'es tout seul. Puis t'es bien. Parce que t'es jamais tout seul, t'en es compté. Fait que tout le temps. Pardon. C'est pour ça qu'on n'est pas heureux, qu'on est bien dans notre peau, mais c'est on n'est pas heureux. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On n'a pas l'affaire d'être heureux. Quand tu as besoin d'argent, tu iras bien. C'est comme ça qu'ils vont te prendre. Tant que tu n'as pas besoin d'argent, ils vont te faire attendre. Quand tu auras besoin d'argent, tu vas y aller. Parce que quand on est dans l'ego, on travaille toujours en relation avec une planification. Mais quand tu travailles dans l'énergie, tu ne peux plus travailler en relation avec une planification. Fait que quand tu n'as plus d'argent, là, ils vont aller travailler. Normal. De plus. Donc là, il faut en aller travailler. Mais tant que tu l'as, mais il faut reposer. Mais l'ego ne veut pas les choses de même. L'ego est insécure. L'ego est totalement insécure. Totalement insécure. Totalement, totalement, totalement insécure. L'ego est insécurité. C'est pour ça qu'on ne vit pas, on existe. Oui, mais d'abord, quand ton ego est insécure, c'est parce que tu t'occupes de ta vie. Si tu t'occupes pas de ta vie, tu n'es pas insécure. Je veux dire, si tu regardes ça, si ta vie n'est pas de tes affaires, tu n'es pas insécure à ce moment-là. Mais tu peux pas savoir que ta vie, c'est pas de tes affaires tant que tu ne sais pas. C'est quand tu sais que ta vie n'est plus de tes affaires que tu n'es plus dans l'insécurité. Mais tant que la vie, c'est de tes affaires, tu es dans l'insécurité. Quand la vie, c'est plus de tes affaires, tu n'es plus dans l'insécurité parce qu'à ce moment-là, tu vis dans la vibration. C'est ça. Quand tu as compris que c'est ta vie, c'est pas de tes affaires, je te dis que ça ne fait plus de tes affaires. C'est ça, tu n'es plus d'insécurité. Non. C'est ça. Non. C'est bien Mais il faut que tu le comprennes. En autant que ton propriétaire, il a la même vue à Tout fait partie d'un tout. Tout est pris en considération. Comprenez-moi bien, par le départ ballon, vous imaginez que je laisse sous-entendre que vous devez vous laisser aller à... Parce que c'est bien subtil. OK, vraiment. D'abord, quand je dis quelque chose, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je dis, c'est que quand je dis quelque chose, j'implante une vibration qui, un jour, lorsque vous la sentez, vous permet de comprendre, de vous comprendre dans ce moment-là. Fait qu'à ce moment-là, ça devient clair pour vous autres. Mais si je vous dis quelque chose puis vous le prenez avec encore de l'intelligence, vous allez déformer sans le vouloir ce que je veux dire. Si je dis à elle, c'est pas de tes affaires de trouver un job. Mec, t'es à la vibration, tu iras. Ça, c'est un aspect que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, mec, t'es à la vibration, tu vas pouvoir y aller. Mais tant que t'as pas la vibration, t'as pas de pouvoir. Tu pourras pas y aller parce que là, elle est rendue qu'elle est trop sensible à l'énergie intérieure. Tandis que si j'avais dit ça avant, si j'avais dit, tu portes tes affaires, tu iras, mais tu as la vibration, elle n'aurait pas compris ce que je voulais dire par vibration, puis automatiquement, elle se serait laissée aller, puis elle se serait évachée sur son lit, puis elle aurait attendu. Ça, c'est pas bon. Alors, dans ce temps-là, j'aurais pas dit ça, j'aurais dit, vas-y, trouve-toi une job. Pour que je vous dise quelque chose, il faut que vous ayez déjà la capacité de comprendre ce que je veux dire. Si vous n'avez pas la capacité de comprendre ce que je veux dire, à ce moment-là, je ne peux pas vous le dire. Il faut que j'attends. Je vous le dis plus tard. Je vous dis jamais quelque chose avant le temps. Fait quand je vous dis quelque chose, c'est parce que vous avez la capacité de comprendre. À ce moment-là, vous pouvez le comprendre d'une façon qui est propre à votre vibration et non une façon qui est propre avec à votre intellect. Puis un n'est pas en conflit avec l'autre, mais un domine l'insécurité de l'autre. Produit quand je te dis ça à toi. Mais je peux pas parler à tout le monde dans un même temps parce que tout le monde n'a pas la même vibration. Fait que si je parle à une salle qui est plus près du séminaire, ben je suis obligé de parler différemment que je vais parler avec vous autres. Ce que je vous dis aujourd'hui, mais dans 6 mois, je vais le dire autrement. Fait que j'avance tout le temps. C'est pour ça que je suis obligé de, pas personnellement, choisir ce que je dis, mais il doit y avoir un choix qui doit être dit, qui doit être fait dans ce que je dis. Sans ça, ça créerait la confusion dans les esprits de tout le monde. Parce que toute la façon dont j'exprime les aspects de la conscience intérieure va contre l'ego. Parce que l'ego ne comprend pas. Mais ça va avec l'ego quand l'ego comprend. D'ailleurs, avec eux autres, tout est nuance. Tout est nuance. D'ailleurs, elle est là, la psychologie. La fondation de la psychologie supramentale, c'est la capacité de voir avec les nuances de notre propre esprit. Pas avec les barreaux d'acier de notre intellect et notre analyse psychologique. Les nuances. Puis les nuances, il y en a constamment. Mais c'est infini, l'esprit. C'est un peu comme si tu donnais une petite graine à chacun, puis chacun, c'est une graine qui a une date de germination différente. Ça peut être aussi bien 15 jours pour des radis que 3 mois pour des vertus, quelque chose dans le style. Puis c'est chacun qui peut voir le produit de la germination de la graine individuellement. Oui, parce que les mots tombent dans la tête de chacun différemment. Mais ça revient tout à la même chose. C'est une science. Parler, c'est une science. C'est la science de l'esprit. C'est une science, parler. Il faut que les gens qui reçoivent cette science-là puissent la recevoir vibratoirement, jamais au niveau d'intellect. C'est pour ça que je dis, c'est pas ça que je veux dire. C'est jamais ça que je veux dire. Je déteste les mots. Ça m'enrage. Mais il faut que j'en sois. Il faut que j'en parle. Des mots. Comme pour empêcher que les gens se spiritualisent trop, parce que c'est facile de se spiritualiser. J'ai rien qu'à changer les mots, moi, tout vous spiritualiser. Là, il est trop tard. Mais disons au séminaire. Bon. Il s'agit de changer les mots. Tu spiritualises la mort. Facile, changer le mot. Au niveau spirituel. Il n'y a rien de plus facile. Les signaux, là, j'aurais pu vous faire partir sur une ballonne là, spirituelle tellement forte. Rien qu'en changeant les mots. Puis on parle pas des pouvoirs, on parle avec des mots. C'est terrible. Ce que les mots sont importants, c'est pour ça que les gens doivent comprendre la vibration et non la forme du mot. Pour toujours détruire la spiritualité, toujours détruire ce que l'ego essaye de comprendre. L'ego n'a rien à comprendre. Parce que le processus de la pénétration du mot vibratoirement dans l'esprit de l'homme, c'est un processus qui permet à l'esprit de l'homme de grandir et à l'ego de diminuer. Automatiquement. Fait qu'automatiquement, quand l'esprit grandit, puis que l'ego diminue, l'homme rentre automatiquement dans sa propre connaissance, dans sa propre compréhension. Fait qu'il n'y a plus besoin des mots. C'est là qu'il devient sécurisé. Allô? C'est là qu'il devient sécurisé. C'est là qu'il devient centré, qu'il a sa, qu'il est sécure. L'autre a demandé qu'est-ce que c'est la différence entre l'ego, la personnalité, puis l'esprit, puis l'âme. L'âme, ouais. L'âme, c'est une énergie qui est indifférenciée. C'est une énergie qui évolue et qui prend forme sur les plans supérieurs au fur et à mesure que l'ego prend de l'expérience. Alors, il y a une relation constante entre l'évolution de l'âme et l'expérience de l'ego. Quand l'ego est arrivé à un certain niveau d'évolution où il a pris beaucoup d'expérience, l'âme est très évoluée, puis à ce moment-là, l'âme peut choisir des plans de vie qui sont susceptibles d'augmenter le rapport entre la matière et l'universel, ce qui mène éventuellement à la fusion entre l'ajusteur de pensée et le mortel. Puis, in the meantime, il y a la personnalité qui rentre en jeu, puis l'esprit. L'homme n'a pas d'esprit tant que son ego n'est pas conscientisé, c'est-à-dire que tant que l'homme ne se sert pas de son corps mental supérieur, tant que l'énergie à son mental n'est pas jaune pure. À ce moment-là, quand l'homme commence à construire son corps mental supérieur parce que son corps astral se diminue, automatiquement, l'homme commence à développer son esprit. Puis l'esprit qu'il développe à ce moment-là se synchronise vibratoirement avec eux autres. Puis c'est pour ça que l'homme, éventuellement, est capable, lorsqu'il est sur les plans, il est capable de contrôler l'énergie universelle puis faire des choses créées parce qu'il est dans son esprit. L'homme ne peut rien faire avec son ego. Alors l'homme qui a développé un corps boronciel qui est dans l'éther se sert de son esprit et avec le pouvoir de son esprit en relation vibratoire avec l'énergie qui vient d'en haut peut manipuler cette énergie-là et faire ce qu'il a à faire. Alors l'ego de l'homme doit, au cours de l'évolution, devenir esprit. Et comment l'ego de l'homme devient esprit? En éliminant en lui constamment l'énergie astrale, tout ce qui est lié au corps de désir, tout ce qui permet à l'ego d'avoir une sécurité fausse. Fait qu'éventuellement, le corps mental supérieur se développe, puis l'homme développe son esprit. Mais l'homme n'a pas d'esprit tant qu'il n'est pas, que son ego n'est pas suffisamment translucide. C'est pour ça d'ailleurs que les gens, quand ils meurent, ils ne meurent pas en esprit. Ils meurent dans la conscience de leur ego et ils meurent dans la conscience de leur personnalité. Puis quand ils arrivent de l'autre bord, ils ont la même maudite personnalité qu'ils avaient ici. Ils sont aussi sans dessin, ou ils sont aussi spirituels, ou ils sont aussi intellectuels. Tu arrives de l'autre bord, tu es pareil comme tu étais ici. Seulement les plans sont différents, ils n'ont pas de densité matérielle. Fait que là, tu continues de l'autre bord, puis un jour, tu reviens ici. Puis ça continue la roue comme ça. Fait qu'il faut qu'à un certain moment, l'homme perde l'opacité de son ego pour découvrir la translucidité de la lumière de son ego qui est l'esprit. Parce que la lumière dans l'homme, c'est l'esprit, puis l'esprit, c'est la lumière dans l'homme. Fait qu'un jour ou l'autre, c'est pour ça que le concept de l'ego, je m'en sers, tant que l'homme est inconscient, le concept de l'ego est bon parce que l'homme vit sur le plan mental et sur le plan émotionnel certaines illusions. Ces illusions-là créent une souffrance. Cette souffrance-là, elle est vécue au niveau de son être intérieur en tant qu'ego. Mais quand l'homme est transmuté, il n'y en a plus d'ego. Dans ce sens qu'il ne sent plus d'ego, dans ce sens qu'il ne sent plus de réflexion. Et à ce moment-là, il est dans son esprit. Puis quand il est dans son esprit, mais là, il commence à être mal. Parce qu'à ce moment-là, quand il est dans son esprit, l'esprit vibre à l'esprit. L'ego ne vibre pas à l'esprit, mais l'esprit vibre à l'esprit. Alors, il faut qu'il y ait une transmutation de l'ego en esprit. Et ensuite, il y a la personnalité. La personnalité, c'est le produit de l'affection qu'a l'ego pour la matière. Alors, la personnalité, c'est le... La personnalité, c'est l'impression constante de la matière, de tout ce qui est matériel sur les sens, par le biais du corps astral, et qui permet à l'ego de développer une certaine carapace extérieure, matérielle, avec des composantes émotionnelles puis mentales. Ça, c'est ce qu'on appelle la personnalité. Puis la personnalité, éventuellement, elle ne doit plus servir l'ego. Elle doit servir l'esprit de l'homme. Fait que ce qui arrive chez l'homme qui se transmute, éventuellement, il s'aperçoit qu'il n'est plus comme avant. Il n'agit plus comme avant. Pourquoi? Parce que sa personnalité se change et se transforme, puis elle devient de plus en plus en harmonie avec l'ego. Mais elle n'est plus dominée par l'ego parce qu'elle sert l'esprit de l'homme. Mais tant que l'homme est inconscient, l'ego domine la personnalité ou la personnalité domine l'ego suivant les rapports qu'ils ont un avec l'autre. Le rapport entre l'âme et l'esprit, il n'y a aucun rapport entre l'âme et l'esprit. L'âme, c'est une composante universelle qui agit sur tous les plans à la fois. L'esprit, c'est l'ego transmuté. Et lorsque l'homme entre sur les plans invisibles, à ce moment-là, il se sert de l'énergie de l'âme par le pouvoir de son esprit. D'abord, il y a une relation entre l'esprit et la pensée créatrice. L'esprit, c'est la pensée créatrice. Bon, OK, c'est ça que je veux savoir. Ça, tu veux savoir? Ouais. L'esprit, c'est la pensée créatrice. Cherche-les pas plus loin, c'est ça. Ça, je pensais, mais je ne peux pas finir. C'est ça. L'esprit, c'est la pensée créatrice. L'esprit, c'est infini. La pensée créatrice, c'est infini. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'égo dedans. Parce qu'aussitôt qu'il y a de l'ego, ça diminue l'esprit dans l'homme. C'est pour ça que l'homme, aujourd'hui, souffre énormément parce que l'homme n'a pas d'esprit. Maintenant, plus tu as d'esprit, plus tu es dans ton esprit, moins tu as d'ego. Plus tu es dans ton esprit, moins tu as d'ego. C'est juste. Puis plus tu es dans ton esprit, mais plus tu... réalises ta conscience, plus tu réalises l'infinité de ta conscience, plus tu réalises l'infinité de la vie, plus tu réalises le potentiel de la vie, plus tu réalises le pouvoir de la vie, plus tu réalises l'impossible. Puis quand tu commences à réaliser l'impossible, là, par le biais de ton esprit, mais là, tu commences à tomber dans l'occulte. C'est les fous. Quand tu commences à réaliser l'impossible par le biais de ton esprit, là, c'est parce qu'il me parle qu'il me mélange. Là, parce que là, il change mes vibrations, je parle quelque chose d'intéressant, fait, il dit, t'es content, tu sais. Il dit, plus tu réalises ton esprit, qu'est-ce que j'ai dit? Plus tu réalises l'impossible par le biais de ton esprit, plus tu rentres dans le cul. Ouais. Plus tu réalises l'impossible par le biais de ton esprit, plus tu rentres dans le cul. Parce que quand tu rentres dans ton esprit, tu conçois tout comme étant possible. Et ce qui te permet de concevoir tout comme étant possible, c'est parce que tu es dans l'esprit. Puis comme tu es dans l'esprit, tu as de la lumière, tu reçois constamment la lumière de l'âme. De sorte que ton esprit est toujours illuminé par la lumière de l'âme. Fait qu'à ce moment-là, l'impossible n'existe plus pour toi. Tu vois l'impossible, tu réalises l'impossible. Puis éventuellement, quand tes corps sont ajustés, tu rentres et tu vis l'impossible, ce qui est pour l'homme occulte. L'occulte... C'est pour ça que des fois, tu restes surpris de savoir... d'un coup, tu sais quelque chose. C'est pour ça que tu restes surpris. Ça fait un petit peu partie de l'impossible. Quand ça va bien loin, mais tu tombes dans l'occulte. C'est ça qu'éventuellement, l'occulte, ça n'existe pas pour toi, parce que l'impossible devient le réel, devient le grand possible, devient ce qui est extensible à la matière. Mais pour rentrer dans l'occulte, il faut que tu rentres dans l'esprit, puis quand tu rentres dans l'esprit, tu vois toutes les possibilités d'esprit, tu vois toutes les possibilités de la créativité de l'esprit, tu réalises le pouvoir de l'âme, puis éventuellement, tes corps, naturellement, au cours de ton transition, changeant. Puis quand c'est le temps, ils te font passer le courant, tu vois dans les terres, ton esprit se déloge, se sépare de ton corps matériel, tu te sers de l'énergie de ton âme à volonté, et tu crées. C'est ça que l'homme créera une nouvelle civilisation avec des nouveaux fondements scientifiques. Mais l'ego doit s'habituer à voir des choses au-delà du rationnel pour pouvoir rentrer dans le supramental, qui permet à l'intelligence de l'homme d'atteindre des limites qui sont totalement infinies et qui lui permettent de connaître les mystères de la création, de connaître les mystères de la vie et éventuellement, lorsqu'il sera dans les terres, de connaître le secret des mystères. Qui est la dernière étape de l'évolution de l'homme sur la terre, la connaissance des secrets des mystères. Parce que Connaître les mystères, c'est passé. Faut que tu connaisses les secrets des mystères. Puis tu connais les secrets des mystères quand tu es dans ton cormoran ciel, puis tu es capable de travailler en fusion avec l'ajusteur de pensée, de voyager dans tous les mondes, même les mondes de la lumière, et renverser toutes les connaissances qui sont prisonniers des records akashiques que l'on retrouve dans les formes spirituelles. Un jour, les hommes devront, ça c'est des grandes initiations cosmiques ça, un jour les hommes devront renverser toutes les connaissances qui sont accumulées en réserve dans les archives akashiques. C'est à ce moment-là que l'homme sera libre du temps et pourra voyager dans tous les espaces infinis de la lumière et que l'homme deviendra un créateur et que l'homme sera prêt à ce moment-là à habiter les espaces, les univers inhabités qui sont en construction présentement. Mais, il dit que tu parles toujours ce que tu es. Si tu parles petit, tu es petit. Si tu parles grand, tu es plus grand. Tu parles toujours ce que tu es. Et ce que tu es est toujours ce que tu pourras devenir quand ce sera le temps. Mais pas avant le temps. C'est pour ça que tous les hommes ont un mystère. Et que les hommes doivent découvrir leur mystère. Puis quand un homme découvre son mystère, il découvre la réalité moroncielle de son âme. Et à ce moment-là, il vit au niveau de l'âme, il connaît l'âme, il la voit l'âme, il travaille avec les forces de l'âme. Et l'homme devient intouchable, l'homme devient un immortel, l'homme fait ce qu'il veut. Et l'homme doit connaître son mystère. Et l'homme connaîtra son mystère dans l'éthérique. Mais il y a des hommes dans l'éthérique qui connaissent et qui connaîtront le secret de ce mystère. Puis pour connaître le secret d'un mystère, il faut être fusionné avec l'ajusteur de pensée, qui est la dernière étape de l'évolution. La fusion te permet de connaître le secret du mystère de l'homme. Quand l'homme connaîtra le secret du mystère de l'homme, l'homme connaîtra un aspect de la grande conscience de Dieu. Le mystère, c'est ce qu'on va devenir quand ce sera le temps? Le mystère, c'est ce que vous découvrirez lorsque vous aurez la conscience suffisamment développée pour voir parfaitement. Le secret du mystère se fera lorsque vous serez fusionné. Quand vous serez fusionné, à ce moment-là, vous pourrez connaître votre mystère. Parce que quand un homme connaît le secret de son mystère, il connaît la raison pour laquelle il est venu dans les terres de la pensée divine. Alors, quand un homme connaît la raison pour laquelle il est venu à l'état de la pensée divine par le truchement de l'ego puis par l'organisation atomique de l'âme, à ce moment-là, il connaît le secret de Dieu dans l'âme dont il est, lui, le partenaire, le possesseur. Et là, il rentre dans le secret des... ce qu'on appelle le secret des dieux, dans ce sens qu'il est dans le secret avec l'ajusteur infini, l'ajusteur de pensée, puis là, c'est... tu rentres dans création, pas création. C'est inutile de parler de ça. Ça ne vaut absolument rien. Mais je paye pour montrer jusqu'à quel point ça va. Tu m'as-tu parlé des affaires? Tout ce qui est vécu sur le plan matériel est enregistré dans ce qu'on appelle les archives, qui est la mémoire du temps. Mais la mémoire du temps est imparfaite parce que tout ce qui est vécu dans l'expérience de l'homme est imparfait. Puis un jour, la mémoire du temps ne servira plus parce que les êtres qui sont dans la lumière n'auront plus à créer de modèle avec cette énergie-là. Parce qu'à ce moment-là, l'homme aura atteint un niveau de perfection tellement grande que l'homme créera ses propres modèles. Et ces modèles-là seront en dehors du temps. Et ces modèles-là ne seront plus sujets à la loi. À la loi. Ces modèles-là ne seront plus sujets à la loi de l'esprit. La loi de l'esprit, c'est une loi qui fait que tout esprit qui engendre dans les mondes de lumière des formes nouvelles est responsable de la forme qu'il crée. Mais dans ces temps-là, l'esprit sera tellement parfait qu'il ne sera plus responsable de la forme qu'il crée, parce que la forme qu'il aura créée sera elle-même parfaite. Et étant parfaite, les fils de la lumière seront les premiers créateurs de Dieu qui auront le pouvoir de créer comme Dieu. Mais la vibration, c'est pour ça que quand tu vis dans une vibration de temps, tu peux pas. Ta communique de temps en temps, mais ce qui vient, c'est la, l'amour. Tu sais, ce sera pas l'amour. Ça, c'est l'amour. Puis, c'est vibratoire. C'est grand, c'est vibratoire, c'est ineffable, ça n'a pas de dimension. C'est parfait et c'est ça. Ça se discute pas, c'est ça, c'est même. C'est pour ça qu'il faut qu'on développe des corps de résistance pour absorber cette énergie-là, que ce soit, soit d'intelligence ou de la volonté ou de l'amour. Il faut qu'on développe des corps. C'est pour ça que c'est important pour nous autres de développer le corps supramental, pour pouvoir absorber cette énergie-là, puis pas souffrir de cette énergie-là, puis pas toujours pleurer de cette énergie-là parce qu'on est dans un enveloppement derrière. C'est pour ça que c'est quand l'homme sera dans les terres que l'homme sera au paradis. C'est mais l'homme sera tellement dans la lumière, puis l'homme ne souffrira plus son enveloppe matérielle. Et automatiquement, l'homme sera dans sa plénitude. Et là, l'homme comprendra pourquoi. Pourquoi il est grand. Mais pour qu'il comprenne pourquoi il est grand, il faut qu'il sache quelque part qu'il est grand. C'est pour ça que je dis, il faut que tu en arrives à un certain moment à être capable de rentrer dans l'impossible. Mais tu peux le faire quand tu es dans ton esprit. À ce moment-là, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de personnalité. Il est dans ton esprit. C'est ton esprit qui rentre de chaud. En harmonie vibratoire avec les autres. Voilà, vas-y. Moi, je suis tanné d'où vivre cette vibration-là. Bien cul. Parce que c'est trop grand. Parce que ça devient une souffrance. Bon, c'est chiant là. Mais c'est pour ça que plus les hommes se rapproche en esprit de mon esprit, plus je t'heureux. Parce que moins je travaille, plus je parle, plus j'en ai à dire, plus je lève la vibration. Fait que mon travail devient pour moi un plaisir de vie, au lieu d'être un travail pénible. C'est pour ça que je déteste tant l'ego. Je déteste l'ego. Je suis bien patient, mais je déteste l'ego. Puis l'ego, d'ailleurs, comme vous le vivrez plus tard, l'ego devient une substance tellement dense. C'est comme du bois. Terrible. Quand t'es dans l'esprit. Puis quand tu sens pas l'ego, là, t'es bien. Même si tu sais qu'il y en a de l'ego, il ne résiste pas à l'énergie de l'esprit. Là, t'es heureux avec l'ego. T'es content de l'ego. Parce que tu sais que l'ego devient lentement translucide et se change en esprit. C'est un peu comme un homme qui sculpte une statue. Le marbre est dur, puis éventuellement, la forme sort. Et tout le marbre, la forme. C'est un petit peu comme ça le travail d'un initié. Un initié travaille toujours dans l'avenir. Il travaille vraiment dessus. Il est toujours dans l'avenir. Mais le travail est pénible parce qu'il est toujours en confrontation avec la réalité existentielle. Fait qu'il est toujours en combat, puis en combat, puis en combat, puis en combat, puis en combat. Je vais vous dire quand l'incarné est bon, quand l'incarné est bon, il guérit tellement des esprits. Moi, j'ai lu un livre que j'ai beaucoup aimé, je crois que c'est dicté par des esprits. Ça ne pouvait pas être des incarnés médiocres. C'est pas possible avec les esprits qui étaient écrits dans le monde. Pourtant, ils sont morts, ils sont rendus chez les esprits, dans le monde des esprits. Moi, je me dis, parmi nous autres, vous dites que les immortels, est-ce que ça se peut que ces immortels-là soient plus avancés, plus évolués que ces esprits-là? J'ai demandé par truchement secondaire dans une conférence ou dans un séminaire, j'ai demandé à des gens de demander à des contacts qu'ils ont dans le monde spirituel une question. D'ailleurs, vous pouvez le faire à vous-même. J'ai dit, demandez-leur si l'homme est plus près de la lumière qu'eux autres. Et la réponse était oui. L'homme est plus près de la lumière que les esprits dans le monde des esprits. Pourquoi sont-ils morts? Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas terminé la révolution. L'homme, quand je dis l'homme, là, je parle pas de nous autres, je parle de l'homme. L'homme, un jour, doit devenir immortel. tant que l'homme ne sera pas devenu immortel, il y aura des égaux qui retourneront au monde des esprits pour revenir dans une incarnation haute, soit sur la Terre ou sur d'autres planètes, dans des corps matériels qui s'immortaliseront. Mais ça fait partie de l'évolution. Le monde des esprits doit être vidé éventuellement pour que se réunissent finalement dans le corps absolu du temps éternel, l'esprit absolu et la matière spirituelle. C'est pour ça que l'ajusteur a besoin... Effectivement, effectivement. C'est pour ça que l'ajusteur doit fusionner. Ben, avec un lien. Regardez avec dans la cosmogonie du Durantia. L'ajusteur fusionne avec le mortel. Hein? Oui. C'est avec le mortel qu'il fusionne, pas avec la mort. C'est avec le mortel que l'ajusteur fusionne. Non, parce qu'il quitte le mort. Hein? C'est ça. Il quitte le mort. Ce sont des esprits évolués qui servent, qui sont en service pour l'humanité. Il y a des esprits qui sont évolués. Mais c'est passé. Il faut que les esprits retournent dans la matière et fusionnent avec l'ajusteur de morceau. Fait que les esprits qui sont morts, qu'ils soient n'importe quel niveau, sont prisonniers du temps. Tous les esprits sont prisonniers du temps, comme l'homme est prisonnier de l'espace. Ils disent qu'ils ont souffert, qu'ils ont vécu toutes les expériences, qu'ils ont souffert tout ce que ces hommes peuvent souffrir. Puis quand on dit ça, on sait qu'il y a peut-être des erreurs, mais tu sais, on sent... Oui, mais ça, c'est l'orgueil des esprits. Les esprits sont orgueilleux en face de l'homme. Les esprits éprouvent pour l'homme une envie. Qui c'est qui a contact, ça? Jalousie. Les esprits sont jaloux de l'homme. Même ces grands esprits-là. Demandez. Surtout. Quand je vous dis que je suis descendu dans la matière pour détruire les formes, puis que j'aurais pu jamais détruire les formes si j'avais pas été fusionné. Pourquoi? Parce que mon ego aurait été prisonnier du monde des esprits. D'ailleurs, ils disent que c'est de contre... c'est ces formes-là qui sont les plus difficiles à défaire. Déjà. Qui viennent de ces hauts niveaux de spirituel. C'est ça. C'est clair. La seule chose, c'est que... La seule chose, à cause de la fusion, par cause du fait qu'ils peuvent savoir qui je suis ou ce que je fais, ils sont obligés éventuellement de me donner raison. Tous les esprits sont obligés de me donner raison parce qu'ils n'ont pas de choix. Parce que je ne fais pas partie du monde des esprits. C'est pour ça que dimanche passé dans mon métier, j'ai le droit de savoir tout ce que vous dites. On a le droit de demander quelque chose. On a le droit à nos droits. J'ai le droit de dire non. Tu sais, quand tu parlais du droit, ouais. J'ai le droit de dire non. Quand tu parlais que l'homme perdait son droit, constamment. L'homme perd constamment son droit. Ah. Votre droit vient que vous vous êtes incarné dans les droits. Non. Mon droit vient que je suis un être descendant. Nous autres, on n'a pas le droit. Vous aurez le droit quand vous serez des êtres descendants. Puis on pourra devenir un être descendant sans mourir. Vous serez des êtres descendants quand vous aurez atteint la fusion. Mais en attendant, vous allez vers le droit en vivant la relation de votre esprit avec votre âme. Pour que vous soyez dans votre droit, il faut que vous soyez dans votre loi. Et votre loi, c'est la relation entre vous et votre âme. Parce que c'est avec votre âme que fusionne juste la pensée. Il est là, votre droit. On peut dire qu'on devient un être seulement lors de la fusion. On devient un être? L'ego de la personnalité, l'être. L'être, c'est l'être, l'extra. Lors de la fusion, on devient un être. Oui. On devient un être. Quand on vit l'ego, l'existence, ouais. On n'est pas un être. Non. Non, parce que pour être un être, il faut être. Il faut être conscient, il faut savoir, il faut savoir. Il faut être dans notre soi-même. Il faut être dans notre soi-même. L'ajusteur de pensée, il est responsable de mon évolution. L'ajusteur de pensée aide à votre évolution, c'est sa job. C'est pas un karma pour lui. Ben non. C'est sa job, c'est son expérience. Plus il est évolué, mais plus son expérience est grande. Parce que les ajusteurs de pensée n'ont pas toute la même expérience. Il y en a qui n'ont pas. Il y en a qui ont des très grandes expériences. Mon ajusteur de pensée a une très grande expérience. Alors, chaque homme a son ajusteur de pensée, mais ce sont tous des êtres parfaits, les ajusteurs de pensée. Mais ils sont dans l'évolution. Votre fusion, c'est votre ajusteur de pensée par le biais de l'âme, c'est ça? C'est toujours par le biais de l'âme. C'est avec l'âme qui fusionne. Mais j'insiste sur l'importance de l'homme de savoir par lui-même, jamais par le monde des esprits. Je vais mettre le spiritisme à terre, c'est définitif, c'est ma job. Il faut que je le mette à terre. Toujours, vous avez l'ajusteur de pensée qui est à l'échelle de votre évolution. Maintenant, l'esprit fusionne avec l'âme. Quand l'ego est conscientisé, il devient l'esprit, là, il devient en fusion avec l'âme. Mais l'ajusteur fusionne aussi avec l'âme. Est-ce que c'est synonyme, ça? Non, j'ai pas dit que l'esprit fusionne avec l'âme. J'ai dit que l'homme développe son esprit. L'homme a un esprit. Puis l'homme a un esprit quand il a une volonté, quand il est dans sa volonté, quand il est dans l'amour, puis quand il est dans l'intelligence. Ça, c'est l'esprit de l'homme. C'est l'esprit supramental. C'est pas la fusion, ça? Plus t'es en harmonie vibratoire avec l'âme, plus ton esprit est grand. Parce que moins t'as d'ego. C'est quoi la fusion? La fusion, c'est le contact vibratoire entre l'ajusteur de pensée et l'âme. L'esprit de l'âme, c'est un autre élément. L'esprit de l'âme, c'est la transmutation de l'ego. Quand l'ego se transmute, il devient esprit. Ce qui devient le centre de sa personne. Le centre de sa personnalité universelle, invisible, sur les plans mondiaux. Et l'homme, son identité. Et l'homme ne perd jamais cette identité-là. Et de cette identité-là, il peut créer en se servant de l'énergie de son âme. Mais est-ce que c'est ça, à ce moment-là, qui est la fusion aussi avec l'ajusteur? La fusion, c'est le rapport parfait entre l'âme et l'ajusteur de pensée, mais toujours conditionnellement à l'ego. Quand l'ego est rendu totalement changé en esprit, mais à ce moment-là, l'ego peut participer à l'esprit de la lumière. Mais tant que l'ego n'est pas rendu à... Tant que l'ego n'est pas suffisamment transmuté en esprit, il ne peut pas participer à l'esprit de la lumière. Pour que l'homme fasse quelque chose, il faut qu'il y ait un esprit. C'est pas par l'âme, c'est pas l'âme qui fait quelque chose. L'âme, c'est totalement passif. Seulement que, comme elle est divine, l'âme, mais... est en harmonie vibratoire avec ce qui est divin, l'ajusteur de pensée. Mais sur le plan humain, c'est l'esprit. Autrement dit, pour éclairer encore un petit peu plus loin, la correspondance entre l'âme divine et l'ego de l'homme, c'est ceci. Quand l'ego de l'homme devient esprit, l'esprit de l'homme est divinisé, comme l'âme est divinisée, et les deux sont en harmonie parfaite. De sorte qu'à ce moment-là, l'intelligence qui est dans la lumière, le principe d'intelligence qui est dans la lumière peut agir sur le plan matériel parce que déjà l'esprit est dans la lumière. C'est ça l'ajusteur. C'est l'intelligence qui est l'ajusteur. L'ajusteur fait partie du principe de l'intelligence universelle. L'ajusteur, c'est l'aspect de ce principe universel-là en relation avec un être. L'ajusteur existe, seulement l'ajusteur n'existe pas comme on le pense, nous autres. L'ajusteur, il existe pré-personnellement. Mais l'ajusteur est définitivement une entité cosmique. Est-ce qu'on peut les numérer, les ajusteurs? Ils ont tous des numéros, oui. Ils ont des numéros. Ils ont des noms. Les noms sont donnés pour des raisons purement psychologiques, mais les ajusteurs ont des numéros parce que les numéros des ajusteurs font partie des sons cosmiques. Puis chaque ajusteur est identifié par un son cosmique qui est un numéro. Mais les numéros cosmiques, c'est pas un 2, 3, 4, comme on parle. Mais les ajusteurs sont identifiables par une numérologie quelconque. Et l'ajusteur fait partie de l'homme? L'ajusteur fait partie de l'intelligence dans l'homme. Si l'homme n'avait pas d'ajusteur, il n'y aurait pas d'intelligence possible sur la Terre. Même avant la fusion. C'est pour ça que l'homme a un intellect. Mais les animaux n'ont pas d'ajusteur parce qu'ils ne peuvent pas penser. Mais l'homme est un ajusteur. Le principe d'intelligence pour le trop fragmenté, tout ça, dans les ajusteurs, c'est des questions. Ils ont des pré-personnalités. Ils font partie de la lumière. Si on commence à analyser les relations de l'infinité absolue avec le rapport préférentiel de ces infinités-là en relation avec l'intelligence cosmique qui est participante dans chacune de ces flammes-là, parce que moi-là, on n'arrête plus. Les ajusteurs sont des flammes. Il faut arrêter un certain moment, tu sais, il faut qu'on arrête. Parce que si on continue à ce moment-là, là, vous me forcez à aller dans une autre dimension de la pensée universelle, puis là, ça sert à rien parce que c'est pas compréhensible. On ne peut pas comprendre avec des mots, puisque les mots sont réservés au développement de l'intellect. Sur les plans référentiels, il n'y a pas de mots qui servent. Les mots ne servent à rien. Tout est lumière. Les mots servent simplement aujourd'hui à vous amener éventuellement à changer la vibration de votre ego pour qu'il devienne esprit, afin que vous puissiez comprendre ce que vous savez. Quand là, un ajusteur, c'est-tu un être qui est déjà passé dans l'expérience là? Non. Ce sont des êtres parfaits, les ajusteurs. Seulement, ils sont à l'évolution. Pareil. Les gens pensent que parce que c'est parfait, ça n'arrête plus là. C'est vrai qu'ils peuvent te quitter. Ils peuvent te quitter s'il n'y a pas de moyen d'avancer. Un ajusteur qui quitte un homme, là, c'est parce qu'il n'y a plus rien à faire. Okay. Comme par exemple. Par exemple, une personne qui devient folle, oui. L'ajusteur quitte. Ça peut plus pénétrer. L'ajusteur quitte. C'est un événement très pénible pour un ajusteur de pensée de quitter un homme, un mortel. C'est très pénible. Parce que là, ils sont obligés de tout recommencer. Quand est-ce qu'il entre en homme? Tu nais-tu avec ton ajusteur? Quand tu commences, il commence à faire la connexion. Mais ça se fait seulement quand après 7 ans. OK, ça veut dire que d'une incarnation à l'autre, tu n'as pas le même ajusteur? Ah oui. Ils te suivent comme une toupe. Ah oui, ils sont tous anticulaires. Puis l'évolution, oui. Hein? Ton évolution. Il était en rapport avec ton évolution d'un acheteur de pensée qui peut aussi évoluer. Si tu veux dès le début, tu n'es pas tellement évolué. C'est en tant d'expérience. Ah, ils te suivent du début de, tes incarnations. Aussitôt qu'un ego commence à s'incarner, là, il commence à suivre. Là, l'ego. Prend de l'expérience, puis éventuellement l'ego amène suffisamment d'expérience à l'âme que là l'ajusteur peut fusionner avec l'âme. Ah oui, parce que lui, il sait déjà. Ouais. Mais si, parce que souvent il y a des erreurs qui se commettent dans l'évolution. Puis quand il y a des erreurs, à ce moment-là, souvent, l'ego ne peut plus avancer. Tu sais, il y a des égos. On prend des égos qui ne peuvent pas avancer comme Himmler, les nazis. C'est des égos, ils ne peuvent plus avancer. À ce moment-là, les ajusteurs sont obligés de couper avec eux autres, parce que c'est plus rien. On peut-tu avoir le même ajusteur? Tout ce qui se passe dans l'universel, c'est instantané, puis automatiquement, l'instantané permet de faire des liaisons au niveau des circuits universels sur des très grands espaces de temps. Mais chaque individu a son ajusteur. Toi, t'as ton ajusteur, elle a le sien. On peut recevoir la même vibration. Mais c'est comme si c'est universel, c'est toujours la même énergie. C'est ça qui permet à l'homme d'être universel. Moi, si je parle avec Maurice, on est dans la même vibration. Il a son ajusteur de pensée, moi j'ai le mien, mais c'est la même vibration. C'est la même lumière. Parce que je viens de voir la connexion qui peut se faire. Wow. Ça va où? Est-ce que l'ajusteur, c'est de l'énergie comme l'âme est de l'énergie? Non. L'âme, c'est une énergie indifférenciée, tandis que l'ajusteur, c'est une énergie qui a été créée dans un but précis. Et quand l'âme utilise l'énergie, est-ce qu'il utilise l'ajusteur? L'âme est énergie. Oui, mais quand l'âme, il dit que l'âme peut... Il peut utiliser l'énergie. Il peut utiliser l'énergie de son âme parce que son esprit est en harmonie vibratoire avec l'ajusteur de pensée. Et à ce moment-là, l'énergie... Parce que le phénomène de l'intelligence doit se connecter sur le plan matériel. Alors, l'ajusteur de pensée fusionne avec l'âme, mais l'ajusteur de pensée et l'homme sont un. C'est ça qui permet. Sans ça, il ne permettrait jamais à l'homme qui sert de l'énergie de l'homme. L'homme détruirait tout. Mais quand l'homme... Ah, il y a un autre point intéressant. Il dit que quand l'homme est dans son esprit, au stade de la sixième race, quand l'homme est dans son esprit, il est encore suffisamment libre. Au stade de la septième race, quand l'homme sera dans son esprit, il ne sera plus libre. Il sera un agent libre. Quand tu dis que dans la sixième race, il est libre, tu veux-tu dire qu'il va avoir encore un peu de son libre-arbitre? Il y aura un petit peu de son libre-arbitre. C'est ça. Parce que un homme devient un agent libre quand il n'y a plus de libre-arbitre. Et l'homme devient, perd son libre-arbitre, perd sa personnalité quand il est fusionné. Mm. D'ailleurs, c'est pour ça que la sixième race, éventuellement, va régresser, parce que justement, il y aurait un petit peu de cette illusion d'agent libre, de liberté. Tandis que la septième race sera de la mienne, puis c'est là que l'homme deviendra homme-esprit. Il va-tu régresser un peu comme la cinquième race qui va... Non, il va pas régresser comme ça. Il va régresser dans la magie noire. Ça va être le grand combat de la magie noire. Il va utiliser les pouvoirs... Il va utiliser les pouvoirs de façon égoïste. L'agissement de pensée, c'est tout l'homme, c'est ça au départ qui peut avoir pris la décision de descendre dans la terre, puis de se faire un corps égorien. Il dit que je vais vous la répondre la prochaine fois, celle-là, parce qu'elle est intéressante. Il va vous laisser sous l'appétit. Je vais revenir. Wow. Okay. Mais il dit qu'il va la répondre la prochaine fois. Renard, autrement dit, est-ce qu'on pourrait dire que l'ajusteur de pensée, c'est la partie divine dans l'homme? L'ajusteur de pensée, c'est la partie divine dans l'homme. C'est pas le débat. C'est la partie divine dans l'homme. Il dit, prenez, s'il dit la partie divine, cherchez pas le point de départ, la partie divine. On parlera du point de départ plus tard. Okay. Mais l'ajusteur de pensée, c'est la partie divine dans l'homme. Ouais. L'homme, ça serait-tu le véhicule de l'ajusteur de pensée? L'âme, pour venir spiritualiser. L'âme, c'est le véhicule. On s'en guérit. L'âme, c'est le véhicule de, okay. C'est le véhicule de l'ajusteur de pensée. C'est ça, il nous a dit. La matière, c'est le moyen d'expression. La matière, c'est une condition d'expérience. C'est ça. OK. Il faut être en plein rodage. Hein? Il faut être en plein rodage. On est en rodage. Mais il dit qu'on apprend petit à petit à savoir qu'on s'en va quelque part. Mais il dit que ce n'est pas de nos affaires à savoir où. C'est ça qu'on ne sait pas où. Mais j'aime bien ça, cette affaire-là, que l'âme, c'est le véhicule de l'ajusteur. C'est toi qui fusionne avec éventuellement, mais il faut qu'elle soit perfectionnée, l'âme. Alors, qu'est-ce qui sert à perfectionner l'âme? C'est l'expérience de l'ego. C'est pour ça que l'âme est mi-matérielle, mi-spirituelle, probablement, pour pouvoir être le conducteur. Ils ont en parlé plus tard. Ils aiment s'en donner un petit peu. Parce qu'il dit, ils sont willing d'ouvrir ces mystères. T'sais? Ils veulent le faire, mais à petit d'eau. Il faut pas qu'on pense trop à ça. Parce que sans ça, ça retarde notre évolution, puis ils veulent pas ça. Mais ils vont tous les ouvrir, les mystères. On va savoir tout. L'âme est toujours sous le plan moroncier. Il dit que ça aussi, il va répondre plus tard. Parce que c'est deux, là, ils vous voient tout le temps. Le plan moroncier, il participe aux deux aspects physiques. Il dit docteur et inventeur. Mais vous reviendrez. Hein? Oh, certain. Quand c'est longtemps, j'ai ça dans la tête. J'ai assez le coup de, un jour de prendre conscience de mon ajusteur de pensée autrement que par des impressions. Des impressions là. Moi, je me rappelle, si vous comptez ça en passant le même, j'avais une petite blonde quand j'étais à l'université, juste avant le contact, ça fait pas loin avant. Puis un soir, on était à la lutte, on se parlait, parce qu'on était des vrais philosophes, la voyelle. Puis un soir, j'étais préparé, puis je ne savais pas. Puis un soir, on jouait avec l'aide 2-3 heures du matin. Puis j'ai commencé à parler des âmes. C'était drôle, moi, de parler des âmes. Puis ça sortait. Puis. Tout d'un coup, après la conversation, j'ai dit, j'ai découvert quelque chose. J'étais vraiment exubérant, tu sais, l'intellect, l'ego. J'étais vraiment exubérant. Puis effectivement, j'avais parlé de ces affaires-là. Mais j'étais pas conscient. J'étais en préparation, fait qu'ils ont dû faire passer une énergie, tu sais, bien vite. Mais ça a donné un choc à mon ego tellement grand que mon ego est devenu extra. Tu sais, comme un scientiste qui découvre quelque chose. Puis, c'est une expérience qui m'a marqué. Puis aujourd'hui, là, vraiment, c'est facile de faire la connexion. Mais dans ce temps-là, quand tu sais pas ça, tu commences à parler des mystères. Je te dis que ça te donne une maudite claque à l'ego. Ça surprend l'ego. C'est comme avec l'ego, comment est-ce qu'il réagit. Là. Parce que on a accès aux mystères. Des fois, ils nous font passer une petite affaire, tu sais, une intuition, on appelle. Je te jure que ça nous aide dans le coco. Bon, je me pense intelligent. Ça nous ouvre les horizons, hein, Mais quand on est dans la science philosophique comme vous autres, c'est plus facile, parce que vous êtes déjà là-dedans. Parce que quand t'es pas là-dedans pendant tout, tu commences à rentrer là-dedans de vous pendant une demi-heure, là. C'est un autre filet. Tu passes pas à gratuit. C'est intelligent, comme ça, non? Non, j'ai pas dit ma blonde quand ils m'ont contacté. Quand ils m'ont contacté, c'était ma blonde, ça. Quand ils m'ont contacté, je suis devenu tellement gorlot. On dit que tu t'en vas dans l'heure, je suis parti dans l'heure. Quand je suis revenu d'ailleurs, je pensais qu'elle était ma tante, comme un beau nien, une belle niaiseuse. Elle s'est affaire d'un autre chat. Peut-être surpris, toi. Elle sait pas. Mais c'était comique. Ben, je l'ai rappelé de Marie. Ils m'ont coupé les bois d'héros. Maman. Non, j'ai encore arrêté les brasses. Quand tu brilles des fonds, mais ce qui vient un tel moment donné que plus tu te conscientises, plus l'ego le prend facilement. Oui, puis éventuellement, l'ego aime ça. Ben, c'est ça. Il prend même un certain plaisir. Ouais. Je suis content de vous demander ça parce que m'a vous dire une chose. Une fois que l'ego a passé son ingestion, là, l'ego aime ça, briser les formes, c'est pourquoi? Parce qu'il apprend. C'est ça. La seule façon d'apprendre quelque chose, c'est en détruisant des formes. C'est ça, des fois, je dis, oh, c'est intéressant ça. Je viens de détruire une forme ou je vais en détruire une. Là, j'aime ça. Parce que j'apprends quelque chose. Si tu détruis pas de forme, t'apprends rien parce que tout est derrière la forme. Le réel est derrière la forme. Il n'y a rien dans la forme. Absolument rien. Matériel, spirituel, il n'y a rien. Tout est derrière ça. Fait qu'il faut que tu détruises. Ah, l'ego, au début, il y a une résistance, c'est normal. Puis éventuellement, quand il se conscientise puis qu'il commence lui-même à briser des formes, parce qu'un jour, vous en avez pété des formes, vous autres, si vous allez vers vous, vous allez dire, maman, va dire, ben oui, c'est ça. À ce moment-là, vous autres, L'ego est conscient de son rapport avec l'intelligence universelle. Fait que là, c'est content. Là, il chiale plus parce qu'il apprend. Fait que moi, aujourd'hui, briser des formes, vous en pété, tu sais, j'en pète. Puis c'est fun parce que j'apprends des choses, sans ça, on n'apprendra rien. L'expérience se fait à travers les formes. Alors, quand tu peux les crever, c'est que tu as fait un petit peu dans les C'est ça, exactement. Pis c'est ça qui est l'aspect le plus dur pour l'homme qui s'en vient. C'est la destruction des formes. C'est là que des hommes vont pouvoir aller par là où il y en a qui pourront pas aller. Il y en a qui vont sauter autrement dit. C'est pour ça qu'ils disent qu'il y a bien des élus, mais peu sont appelés. C'est ça qu'il veut dire. Il y a bien des élus, mais il y a peu d'appelés. C'est exactement ça qu'il veut dire. C'est exactement ce qu'il veut dire. Il y a bien des élus, mais il y a peu d'appelés. Ouais. Ah, c'est ça, on t'a dit, ils ont charrié ça à l'envers, là-bas. Ils ont toujours dit que beaucoup des gens s'appelaient, c'est le contraire. C'est la même chose que lui. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, ça veut dire exactement la même chose que beaucoup d'appelés, beaucoup d'élus, peu d'appelés. Ah, bon, OK, c'est correct. Ah, oui. Ça veut dire la même chose, regardez. Hein? Ça veut dire la même chose. Il n'y a pas de différence. Ils ont échangé les mots. Les mots sont chers. Ah, il n'y a pas de différence. Non, parce qu'au départ, si ta vie, c'est pas ton affaire, automatiquement, tu y vas, puis tu le sais à un moment donné, intérieurement, mais... C'est pas de ça que tu... Si tu ne dormais pas, si tu étais appelé, tu étais appelé. Ça ne reste pas si tu étais appelé. Ça ne t'intéresse plus. Non, c'est ça. Non, ça ne t'intéresse plus. C'est ça, c'est ça. Hé, regarde mon nom, je m'appelle Bernard. Qu'est-ce que tu t'appelais, Bernard? Il. Comment, hein? C'est un nouveau nom, hein, quand tu es fusionné. Oh, ben oui. Jean-Bernard, qu'est-ce que c'est? C'est tranquille. Comment tu dis? Jean-Bernard, qu'est-ce que ça veut dire? Charlie. Beaucoup d'élus peuvent l'appeler. Ils sont subtils, tu sais. Ils sont terribles. Parce que tout ce qui nous venait avant, ça venait du monde des esprits. Mais quand c'est vu à travers deux autres, ça prend toujours une autre vibration. Tout le temps, tout le temps. Tu vois les choses d'un autre aspect, d'une autre aspect. C'est pour ça qu'au début, je me rappelle, j'ai été une période là, où le contact était tellement fort que j'en venais à un point où j'étais tanné de toujours avoir raison. Là, je suis habitué, là, ça me fait plaisir. Mais dans ce temps-là, ça me fatiguait. Ça devient fatiguant. Au début, tu n'es pas habitué toujours. Là. Tu viens, là, t'es tanné, ça te crée une tension de toujours avoir raison. Puis avec le temps, mais tu t'habitues, ton corps s'ajuste, tes corps s'ajustent, t'habitues, c'est ça. Parce qu'ils ont toujours raison. Mais on a reçu beaucoup d'informations ésotériques qui occultent par le monde des esprits. Là, ils commencent à faire un petit pilote là-dedans.